est à peine 17h à Montréal en direct de la brasserie Elm sur la rue Bernard. J'ai le bonheur ce soir d'être entouré de celui pour qui les filles font « Ah! Fred Savard! » m'avais surpris. Du gendre idéal, Olivier Niquette. Allô? Du compagnon de théâtre parfait, Jean-Sébastien Girard. Bonjour. De notre invité d'honneur, celui dont nos mères s'écrient « Mon Dieu, mais c'est le beau Michel Desautels! » Michel Desautels! Mon Dieu, c'est lui! Et de notre fabuleux public qui trouve que la soirée est encore... Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Mais je suis un tannant, moi. Je suis un tannant. Michel Desautels. Hello. Vous savez que ma mère est ici. Elle s'est écriée, mon Dieu, Michel Desautels. C'est elle qui est là, ouais. À moitié nue au premier rang. C'est elle, effectivement. Je suis assez fier de ma mère. Mais vous avez décidé de revenir nous voir, Michel. Ben, on m'a invité. Ah, voilà. Voilà. Mais je l'ai payé, alors je suis là. Ah, voilà. Mais c'est pas moi qui vous a invité pour une deuxième. C'est la production, c'est Radio-Canada. Ah, c'est... voilà, voilà. Probablement une certaine pression populaire. Aussi, je sais oui. pas. Non, oui, oui. Non, non, c'est la direction. Mais on vous aime, Michel. Vous savez qu'en tant qu'invité d'honneur, vous avez les mêmes droits que tout le monde autour de la table. Évidemment, vous avez le droit d'intervenir à tout moment, un peu comme Jean-Sébastien fait. Vous avez le droit de donner votre opinion n'importe quand, de poser des questions et surtout de dire des conneries. Oui. Ah, ben, voilà. J'allais le dire. Ou insulter des membres de l'équipe. On est très bons là-dedans. Hein. Pour nous insulter ensemble. Oui. J'ai remarqué. On, oui. on s'est pratiqué avec vous aussi pendant que vous étiez pas là. Et franchement, on devient pas pire pantoute. On vous garde ce soir, Michel. On reçoit Alain Vadeboncœur. Ah, je suis très content de le voir en vrai, d'abord, parce que longtemps par le seul biais de la télé, ouais. Beaucoup dans la radio, mais en fait, parce que c'est un homme qui est partout. Oui. Et je dois m'en excuser tout de suite. Son tout récent livre, je ne l'ai pas lu. Parce que la semaine dernière, pour m'endormir, j'avais le choix entre son livre ou Marie-Claire Blais. Ah. Et j'ai lu Marie-Claire Blais. Alors, je m'excuse, Doc. Vous avez un bon sommeil. Ce qui est bien, en fait, avec un docteur dans la salle, si vous avez un autre malaise, ben, il va être là. Ah oui. Ça aurait été utile il n'y a pas si longtemps. Fred, c'était cœur, hein, ça? Était-ce nécessaire? Oui. Mais non. Ah, oh, mon Dieu, qu'on rit. En deuxième heure, on va avoir Alexandre Boulris, le député du NPD. Je me suis pas du tout préparé pour cette entrevue. Je compte sur Michel. Oh, ouais. Vraiment. C'est Fred qui est à l'extrême gauche, c'est pas moi. Oui, voilà, radical. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Vous êtes d'une gauche. Et j'habite à Rosemont. En plus. C'est mon député. Ah, mon ben, Dieu. Mon député, c'est une façon de parler. Là. Vous puez. On a revu ou pas cette semaine le film d'horreur Annabelle. Et je ne vous dis pas qui participe cette semaine. J'ai adoré ce film-là, Jean-Philippe. vous êtes lourd, j'avais Jean-Philippe. J'avais des réserves, a priori. Arrêtez. Mais rapidement, j'ai été porté. Donc, par, je ne vous dis pas qui participe cette semaine. Mais ce n'est pas Jean-Sébastien Girard. C'est une petite surprise. Je vous pose la question, évidemment, messieurs, qu'est-ce que vous avez fait de beau de votre semaine? Michel, vous avez fait... Ben, j'ai un peu mal dormi. Il y avait le cas de Marie-Claire qui m'a aidé un peu. Mais en fait, j'ai une semaine, mais c'est plutôt comme une dizaine, douzaine de jours. J'ai passé beaucoup de temps dans ma voiture pour essayer de régler mon problème de sommeil. Puis le soir, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai beau voir cette photo, je regarde cette photo, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la photo. Alors, je suis passé sur le pont plusieurs fois, je suis passé devant Radio-Canada parce qu'il y avait une immense photo. Je regardais la presse, il y avait une immense... Elle était toujours là, la maudite photo de M. Vautier, qui s'appelle, c'est ça? C'est son nom de scène. Tremblé, sinon. Et je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la photo. Mais j'arrivais pas, j'étais là, à un moment donné, je me suis même endormi dans ma voiture, je dormais mal, donc dans ma voiture, devant Radio-Canada, je regardais, bon, m'endormi, et parce que, oui, il y a quelque chose qui marche, parce que il y a cet air baveux un peu, tout là, on vous reconnaît, mais c'est pas ça, il y a quelque chose qui manquait, je me disais, c'est quoi, j'ai fini par trouver. C'est quoi? Ils ont fait la photo comme pour moi, puis René au miroir, ils ont coupé le top, fait qu'il y a plus de toupette! Ah, puis on vous paye pour faire ça. Mal, mais oui. Jean-Sébastien, vous avez fait quoi? Ah non, pas. Je vais commencer par Fred parce que j'ai. Ah, mais moi, c'est pas long. Non, mais je suis toujours beaucoup plus intéressé parce que Jean-Sébastien fait. C'est pour ça que je le garde à la fin. Ouais. Non, mais il fait des choses beaucoup plus intéressantes que nous. Ben, c'est parce que moi, j'écris une émission de radio toute la semaine, alors c'est moins intéressant mes petites anecdotes drôlatiques comme Jean-Sébastien. Alors, à part écrire notre émission de radio. Ben, vous savez que le temps frisquerait est à nos portes. Frisquerait. Et j'ai rangé mes chemises en lin. en passant, où est la mienne? Ben c'est ça, Michel. J'ai fait le ménage. J'ai retrouvé la chemise que vous m'aviez prêtée pour aller à 125 Rachel, l'émission de... 125 Marianne. Ah, Marianne, oui. Je me trompe toujours de rue. Et j'avais taché la mienne et vous m'aviez gentiment prêté la vôtre. Ouais. Une chemise qui ne vous fait plus, d'ailleurs. Ouais. C'est ce que vous m'aviez dit. Ouais, ben, j'ai un peu agressé. Oui, voilà. Alors, c'est une chemise que j'ai lavée. Et je n'ai peut-être pas marché dans vos souliers, Michel, mais j'ai marché dans votre chemise. Je vous remercie de me l'avoir prêté pour le 120. Alors, et là, je vous la rends. On rend la chemise, propre, Michel. Elle est propre. Elle n'est pas repassée, par exemple. Non, elle n'est pas repassée. Merci. Non, mais je ne repasse jamais mes chemises. Moi, je les jette, j'en achète une autre. Hey, c'est plein de surprises. On dirait qu'on est à l'été indien. Ça, ou sucré-salé. Hein. Ouais, ou donne au suivant. Olivier, vous avez fait quoi, vous? Ben moi, j'ai écouté le hockey, évidemment. Donc, j'ai vu le premier but du Canadien marqué à TVA Sport, la première punition à TVA Sport et la première passe d'un patin à TVA Sport. Donc, je peux mourir en paix. Et justement, j'ai appris cette semaine qu'il y a bien une vie après la mort. C'était exactement le titre de TVA, d'ailleurs. Il y a bien une vie après la mort. Et là, c'est pas, ça vient pas d'une étude d'une université du Vatican ou quelque chose comme ça. Là. C'est du sérieux, une étude scientifique. La fameuse université du Vatican. Ils ont fait un sondage auprès de morts vivants. 40 % de ces personnes ont raconté avoir vécu une sensation étrange de conscience alors qu'elles étaient considérées comme cliniquement mortes. 46 % faisaient état d'une sensation de peur. 2 % ont carrément affirmé être pleinement conscientes et 1 % c'était des sénateurs canadiens qui n'ont aucune sensation. Et peu de conscience. C'est ça, exactement. En fait, l'étude a dit plutôt que notre cerveau peut continuer de fonctionner au moins 3 minutes lors d'un arrêt cardiaque. Peut-être que TVA aurait dû titrer « Il y a bien une vie de 3 minutes après la mort », mais bon... On s'en fout. Moi, je suis plus serein depuis que j'ai appris ça. Oui, vous qui êtes un être tellement stressé d'habitude. Non, mais je suis content de savoir que mon âme va continuer d'exister. Là, il me reste juste à trouver comment la downloader sur une clé USB après les 3 minutes. Tu sais, qu'il est drôle, hein? Qu'il est drôle. Et c'est Jean-Sébastien, fin. Vous avez fait quoi, vous? Oui, ben beaucoup d'activités drôlatiques. Entre autres, je suis allé au lancement du livre du bon Alain Vadeboncœur. Ah oui, hein? Oui, c'était au salon funéraire Mémoria. On en parlera un peu plus tard. C'est vrai, c'était vraiment dans un salon funéraire. Oui, j'avais une petite joke à faire avec ça, mais vous l'avez brûlé, c'est pas grave. Non, regarde. Mes excuses, il faudrait qu'on se parle avant que les gens se commencent. Communiquer, c'est toujours agréable. Puis c'est ça, c'était un peu plate, mais à un moment donné, ça a levé. J'ai fait une petite présentation Ça a levé quand? Au moment où j'ai fait une présentation. Ça me surprend pas, voilà. Oui, voilà. Je suis allé parler d'hypochondrie, on pourrait revenir un peu plus tard. Sinon, j'ai lu un article vraiment intéressant, Jean-Philippe, sur le trollage sur Internet. Vous savez, c'est quoi le trollage? Ben non, pour les gens à la maison. Pour les gens à la maison, donc c'est un article qui était publié sur Canoë par la journaliste Stéphanie Godbout. Voici sa définition donc, du trollage. Elle dit, sur un forum de discussion préféré ou sur votre réseau social de prédilection, c'est un membre qui s'acharne à publier des messages sans intérêt ou des commentaires désobligeants et provocateurs, une petite bête désagréable dont le but est d'entretenir la polémique et de perturber le site en le pourrissant d'insultes et autres commentaires déplaisants. Bon, c'est un peu comme vous. C'est un peu comme moi. À la suite de l'article, il va avec des conseils pour éviter les gens qui trollent. Or, moi, comme j'adore le trollage et que je trouve ça excessivement drôle, je vais plutôt y aller avec des conseils. Je vais partager avec vous mes grands classiques du trollage qui fonctionnent toujours. Mon premier classique, évidemment, c'est de raviver des anciens statuts Facebook. Si je prends l'exemple du bon Olivier Niquette, vous allez sur sa page Facebook. À droite, vous avez les années 2007, 2008, 2009, vous appuyez sur une année, 2007 par hasard, et vous voyez ses premiers statuts. Et là, ça a l'air de rien, mais vous faites juste liker un vieux statut, généralement qui n'a rien à voir avec sa réalité de 2014. Et là, ça devient un statut nouveau qui est dans le fil d'actualité et viral. Les gens vont se mettre à le commenter sans lire que tellement désagréable, ça. Sans savoir que ça a été écrit il y a plusieurs années. Donc là, ça peut créer beaucoup de confusion. Les gens vont écrire « Ah, tu déménages, t'es plus avec Sandrine, t'as changé de job, etc. etc. » Ça peut facilement briser des vies, c'est très très drôle. J'ai actualisé ce matin deux statuts. Un de Fred Savard, qui date drôle, du 6 février 2010, parce que malgré le fait qu'il y ait une plume si acerbe ici, Fred Savard a déjà été une matante en 2010. Il y avait un statut qui disait pâté chinois, sauce à spag, tarte, bouillon de bœuf, un gros samedi comme je les aime. Oh. Alors vos samedis ont beaucoup changé. Hein? Ouais. Et vous pourrez peut-être poser cette question-là. J'ai réactivé également un statut d'Alexandre Boulris qui date du 29 octobre 2007. Il vient d'arriver, 2007. Ça tombe bien. C'est vrai? Ouais. 29 octobre 2007, Alexandre Boulris a dit « Je suis en beau ciboire ». Voyons donc! Oui! Quelqu'un qui veut devenir premier ministre, qui parle comme ça sur Internet. Alors, vous pourrez lui poser la question pourquoi le 29 octobre 2007, il était en beau ciboire. Mon deuxième truc, liker des nouvelles amitiés. Ça, c'est très drôle et je le fais beaucoup avec Olivier, justement. Quand il y a une nouvelle amie sur Facebook... On voit dans notre fil d'actualité, Olivier Niquette est maintenant ami avec une fille que je connais pas du tout. Alors moi là, on like. on like l'amitié et on commente avec des choses comme, par exemple, je vous souhaite une belle et longue amitié pleine de tendresse et de surprises. Enfin, Olivier, depuis le temps que tu en rêvais. Ou j'espère que tu vas pas agir avec elle comme avec les autres, mon écœurant chien galeux. Et ce qui est drôle, c'est qu'on sait pas c'est quoi sa relation avec cette nouvelle personne-là. Ça peut être sa nouvelle bâtisseur, sa tireuse de cartes, sa nouvelle maîtresse. Donc, toutes les possibilités sont très drôles. Et en terminant... Ah, mon Dieu! enfin! En terminant... Quelque chose qui fonctionne toujours très drôle, ouais. C'est de faire une blague récurrente sur la page Facebook d'une entreprise. Moi, je l'ai fait. Je vous donne un exemple personnel qui n'est pas très drôle en soi, mais c'est l'issue qui devient un peu plus intéressante. Donc, il y a quelques temps, je faisais toujours la même réponse au statut de Éco-Vedette. Ouais. Alors, à chaque fois qu'Éco-Vedette posait une question, je répondais par... Jean-Philippe Cipriani, notre ancien collaborateur ici. Donc, quand il demandait quel est l'homme le plus sexy du Québec, le meilleur animateur au monde, qui devrait animer la nouvelle télé les réalités de marde à TVA, qui devrait remplacer Pierre Dufresne dans le temps d'une paix, je répondais Jean-Philippe Cipriani. Or, après quelques mois, Éco-Vedette m'a barré de sa page Facebook. Présentement, je n'ai plus accès à la page Facebook d'Éco-Vedette. Alors, j'invite le Québec à me venger. Alors, je vous propose... Non, mais, attendez, la dernière fois que vous avez fait une invitation, c'est la semaine dernière, venez prendre une bière pendant une heure, il n'y a personne qui je est venu. Sais. Ah, aucun! Il y a personne. Michel, toute la semaine... J'étais chez moi, je pleurais, j'ai failli venir à pied. Je dis, les gens me demandaient cette semaine, c'était stagé, c'était pas vrai, mais je jure, ma mère est pas venue, mon meilleur ami, il n'y a personne qui a même voulu faire la surprise. Je pense que ça parle. Donc, Éco-Vedette, très, très, très rapidement, je vous invite à devenir membre de la page Facebook d'Éco-Vedette et de me venger et d'aller répandre partout toutes sortes de choses sur leur page et de nous demander une entrevue avec les gars de la soirée est encore jeune. Alors, faites ça immédiatement sur la page d'Éco-Vedette et écrivez-nous pour nous dire que vous l'avez fait. J'ai suivi vos conseils, Jean-Sébastien. Je suis allé voir ça en 2008 sur un de vos statuts. 18 novembre 2008, est parti à sa première formation radio-canadienne d'animateur. Alors, ça n'a pas trop fonctionné. Dieu que c'est drôle, Fred! Du génie! Je l'ai laqué, fait que les gens pourront faire la même chose. Oh, pendant qu'on rit, Olivier, parlez-nous d'Internet. Ben oui, toutes les informations pour assister à l'émission en direct du Elm au 273 Bernard Ouest à Montréal sont sur notre site radio-canada.ca/la soirée. Vous pouvez nous écrire à la soirée@radio-canada.ca. On est aussi sur twitter.com/la soirée, facebook.com/la soirée est encore jeune. Et notre question du jour aujourd'hui est la suivante. Si PKP vendait ses actions de Québécois, qu'est-ce que vous lui proposeriez de s'acheter avec l'argent qu'il fera? Ah, mon Dieu, c'est une belle question, ça. Oui, puis on a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Moi, j'ai hâte d'entendre votre réponse. Merci, Olivier Niquette. En attendant, on va aller rejoindre notre salle de nouvelles portatives. Fred Savard. Le Michel des hôtels de sa génération. Ah, mon Dieu! Je peux aller de main morte, là. Non. On commence fort avec le sujet de la semaine, évidemment. C'est, selon Louise Beaudoin, le député Jean-François Lisée serait détesté au sein du Parti québécois. Oui, c'est ce qu'il a déclaré à l'émission 24-60 sur les ondes de ici Anne-Marie Dussault. Mais d'autres sources prétendent que M. Lisée est surtout très confus puisqu'il prétendait dans une lettre qu'il a envoyée au journal le lendemain que le PQ est un parti qui peut changer et qui peut s'améliorer. Une folie. Oui. Mais Jean-François pourra quand même se défendre puisqu'il est sur le point de publier un nouveau livre. Oui, dans son livre, il expliquera notamment pourquoi il était contre le projet de Charte des valeurs, malgré une longue lettre publiée dans le New York Times, on s'en rappelle, à l'époque où il comparait Bernard Prinville à Thomas Jefferson. Une autre folie. Ah là là. Ce n'est pas son premier livre, quand même. Hein? Il avait déjà publié Le Tricheur et Le Naufrageur. Oui, des titres prémonitoires. Oh là là. Sinon, toujours dans le merveilleux monde du PQ, on apprenait qu'une nouvelle coalition pourrait voir le jour. Oui, un groupe de députés qui appuie Pierre Calpelado déposerait la semaine prochaine une motion qui obligerait Jean-François Lisée, s'il veut toujours se présenter à la course à la chefferie du PQ, de vendre ses actions dans sa compagnie de fabrication de couteaux dans le dos. Bien joué. Et justement, les journalistes de l'Empire québécois ont affirmé haut et fort être totalement libres. Oui, afin de calmer tous ceux qui doutent de l'étanchéité du mur de Chine de Québécois, ils ont réitéré qu'ils sont totalement libres d'écrire des articles complaisants sur PKP. Ouf! Ça rassure. Oui. Sinon, triste nouvelle, je sais pas si vous avez appris ça, mais l'expertise québécoise qui perd du terrain à Montréal. Oui, alors qu'on apprenait que 80% de toute la marijuana présente sur le territoire montréalais est maintenant entre les mains du crime organisé chinois. Ah là là. Et les gouvernements ne font rien. Ah là là. C'est dommage, on était si bons en pot au Québec. Effectivement, mais il paraît qu'on remarque facilement le pot chinois. Par contre, il s'égrène très mal et les cocottes sont en plastique. Oui. Merci Fred, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. La mer. été. Prenez une gorgée en Sébastien, c'est pas très respectueux. Fred Savard, oui. vous nous racontez qu'est-ce qu'il fait dehors, là? Là, je vais pas vous inquiéter, mais il fait déjà noir à Saint-Jean-Terre-Neuve. Non, ben arrêtez donc! Et il fait 10 degrés et il fait 16 degrés à Winnipeg. Et c'est assez cocasse, l'an dernier, au même moment, il faisait également 16 degrés à Winnipeg. Alors, les changements climatiques, s'il vous plaît. Et on reçoit beaucoup de courriels. De plus en plus. Ouais. Et en deuxième heure, là, je vais vous en lire quelques-uns. J'ai reçu de la météo de cette semaine des demandes de spéciales. De genre, ah oui? Les gens ne demandent pas des chansons, ici, ils demandent la météo. Des ben. Météos spéciales. Et pour la circulation, si vous avez des bouchons dans votre région, vous nous écrivez et on pourra le transmettre aux gens là, qui sont sur la route. Parce qu'on le rappelle, c'est une émission de service. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais noter qu'il y a neigé dans le parc des Laurentides cette semaine. Ah, mon Dieu, déjà? Ben voyons donc. Ah. D'habitude, il neige au mois de juin. C'est vrai. Ben oui, vraiment, franchement. C'est vrai. Est-ce qu'on accueille notre premier invité? Ben oui. Ce serait le temps, là. Dramaturge, écrivain et accessoirement urgentologue, il vient nous parler de son tout nouveau livre. Accueillons le docteur Alain Van Bonkoeur! Docteur Van Bonkoeur. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Alors, nous, on s'est rencontrés la semaine dernière à ma petite émission de télé, là, qui fait moins de codes d'écoute que la radio. Je peux enfin. N'empêche que ça m'a permis de lire votre livre. Oui, c'est déjà bien. Et puis, ben, c'était mon premier cette année. Ouais. Et. non, mais je vais être honnête et on ne fera pas de flagornerie inutile. Vous écrivez très, très bien. Ben merci, Jean-Philippe. C'est très gentil. C'est un livre sur la mort. Oui. Dans une émission d'humour, ça va très bien. Ben, attendez un peu. La semaine dernière, on a reçu Catherine Perrin qui venait nous parler d'un livre qui était aussi sur la mort. Et franchement, on a passé un bon moment. Oui, j'imagine. Alors, non, mais c'est pour dire. Hein, on va relever ça. Oh, on va être capable. Et il y a une question qui me trottait dans la tête depuis assez longtemps, en fait. Je me disais, bon, un livre par un médecin. Un livre de moins, personne n'est jamais mort de ça. C'est mais, sûr. Mais un médecin de moins, par contre, ça, c'est vrai. On peut pas dire le contraire, là, hein, quand même. Il y a des morts à cause de votre maudite écriture, là. Parce que je passe pas assez de temps à l'urgence, ben, c'est ça que tu veux je dire. Me dis, mais je me dis, à quelque part, parce que il y a votre femme, hein, j'imagine. Elle est ici, d'ailleurs. Je sais, et je la vois, ça a pas l'air d'une femme heureuse. Hein. Ah, pourtant. Est-ce que vous faites trop de choses? Non, en fait, moi, je coupe sur les choses inutiles. Par exemple, la coiffure. Les préliminaires. L'habillement, les souliers ou les parfums, ces trucs-là là, qui sont inutiles. Les belles chemises. Alors, regardez comment je suis habillé. Donc, je me concentre sur les choses importantes. Et ben, ça me permet de passer du temps à d'autres choses. Qu'il est désagréable, ce médecin, tout de même. Hein? Une chance. Parce que c'est assez compliqué, votre coiffure, Jean-Philippe, ce soir, quand même. Hein? C'est pas si compliqué, Alain. Ça prend Alain. Combien de temps, ça? Mais je vais vous dire quelque chose, Alain. Si vous aviez la chance d'avoir des cheveux, vous ne m'insulteriez pas. Mais vous savez que j'ai eu des cheveux très abondants et frisés et très longs. Oui, à 16 antérieurement. Ans. Non, quand même. Ça est allé jusqu'à 18-19, facile. Hein? Ah, mon Dieu, on n'est même pas assez grand pour s'en rendre compte à ce moment-là. T'étais pas né, Jean-Philippe, probablement. Non, arrêtez. Vous avez quel âge? On 51. 51. Déjà? Ah. Ouais, ouais. Ça passe vite en tabarouette. Ah, oui. Non. Toujours est-il que, je le dis, c'est des histoires de la mort. Oui. Sur la mort. Oui. Vous racontez, en fait, votre vécu d'urgentologue. Oui. Des petites histoires qui vous arrivent tous les jours, j'imagine, comme urgentologue. Vous avez regroupé ça en un livre qui s'intitule aussi « Les acteurs ne savent pas mourir ». Ça, c'est intéressant parce que quand tu lis le livre, en fait, jusqu'au moment où est-ce qu'on arrive dans le vif de ce titre-là, donc des acteurs qui ne savent pas mourir, on comprend pas trop pourquoi. Oui. Et puis, plus on lit ce livre-là, plus on se rend compte qu'effectivement, au théâtre et au cinéma, vous avez remarqué, et quand vous nous l'expliquez, on comprend bien, les gens qui meurent à l'écran, là, les Sylvester Stallone et autres, ils n'ont aucune idée comment crever à l'écran. Et je trouve que vous avez une expertise extraordinaire pour ça. Moi, j'ai une très grande expertise là-dedans. J'ai formé plusieurs acteurs, d'ailleurs, dont Jacques Lheureux, Passe-Montagne, à qui j'ai appris à mourir. Mais voyons donc. Et, oui, absolument. Un petit peu sur scène. Un petit peu trop tard. Et ce qui est difficile pour un. Non, mais pour un comédien, c'est difficile parce que s'il meurt très bien, évidemment, c'est pas très bon pour, par exemple, la prochaine saison. Ben, c'est tout ça qui arrive. Dans les téléromans, ça marche pas très fort, non. Mais sur une scène, c'est très bien. Jacques Lheureux, il meurt très, très bien maintenant. Ah oui. Et je me demandais, on a deux hommes de théâtre ici. Oui, Jean-Sébastien. Qui est le deuxième? C'est moi. C'est une bonne question. Je m'auto-proclame homme de théâtre, même si j'ai jamais fait de théâtre, mais bon. Mais Fred Savard a joué dans des films. Je fais de la scène. Ah bon? Oui, non, mais vous avez joué dans des ben films. Oui, tout à fait. Ben oui, des oui. Dans Les Appartistes à l'époque. Oui. Absolument, oui. C'est pas un film, Les Appartistes, quand même. Et j'ai appris à mourir dans Les Appartistes. Ah, c'est drôle, ça. Mais je me disais, là, avant de passer dans le vif du sujet, pourriez pas montrer à mes deux amis ici comment mourir? Comment on meurt bien? Mais c'est extrêmement simple, bien mourir. Parce qu'on en met toujours trop. Hein? Les comédiens veulent en faire trop. Ils veulent dire une phrase extraordinaire et mais c'est souvent les scénaristes, en fait, qui font ça aussi. Les maudits. Et hein. Arriver au bout de la phrase, mettre un point et là, tomber avec... Mais ça ne se passe pas comme ça. D'abord, les gens parlent très peu, en général, quand ils vont mourir. Ben oui. Souvent, ils sont déjà semi-inconscients. Et ça peut ressembler, évidemment, c'est plus visuel qu'autre chose, mais... Alors, on est à la radio, vous pouvez vous risquer, ouais, pas ouais. de problème. Donc, généralement, les gens donc vont devenir mous, vont devenir plutôt inconscients. Et ils parleront pas, ils vont s'en aller très doucement. Très doucement, d'ailleurs, la plupart ça me fait beaucoup penser à Olivier Niquette, ça. Qui est j'allais dire que ça me fait penser à moi. Ouais. Il meurt à chaque minute. Non, mais c'est drôle, mais les gens meurent très doucement, en général. Ouais. Donc, ça ressemble plus à ça qu'à... Moi, je me rappelle Ronald Reagan dans un film qui mourait pendant, tu sais, 7-8 minutes, là, il racontait plein de choses. Mais donc, je pense qu'il faut... Non, mais ça a l'air drôle, mais il faut apprendre à mourir pour un comédien réalistiquement. Parce que c'est important. C'est un moment extrêmement important, puis on ne peut pas le manquer, ce moment-là. Mais en même temps, le théâtre, le cinéma, il y a quand même une transposition, je veux dire, dans une tragédie grecque. Je ne suis pas sûr que je veux voir quelqu'un, un héros, mourir avec des petites ballons très lentement. Je pense qu'il y a une espèce de théâtralité, une façon de mourir qui participe au spectacle. Et pourtant, ça fonctionne très bien. Ah oui? Absolument. Non, mais je veux dire, une mort réaliste, c'est vrai que ça va chercher les gens. Mais je comprends que l'artiste en vous commande ça. Mais Jean-Sébastien, si je vous demandais de mourir, là, au micro, là, en ce moment, là. C'est pas si mal. Ah c'est oui? C'est pas si mal, ouais. Ça a l'avantage d'être bref. Ah, et c'est un plus pour tout le monde. Moi, j'ai essayé de mourir au micro. Ouais. Ça a été très long. Ça, problème, je savais que j'allais pas mourir, mais j'étais pas inconscient. Je voyais tout, j'entendais tout. Ben, de moins en moins clair, mais je voyais tout. Il faisait chaud en maudit, comme maintenant, d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais à la fin, j'ai compris que c'était pas mon heure tout de suite, donc je suis sorti de scène. Ouais. Ça, c'est bon. Si on meurt pas, il faut savoir sortir. Il faut savoir sortir, oui. Est-ce que vous êtes capable d'apprendre aux gens de sortir? Non, mais je dis ça parce que je travaille dans un milieu où il y a beaucoup de gens qui en profiteraient, j'ai l'impression. Faites attention, là. Ah non, mais je parle pas de vous, hein. Faites attention. Vous avez déjà essayé de sortir, puis ça n'a pas fonctionné, vous êtes revenu. Vous parlez dans ce livre-là d'hypochondrie. Oui. Ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup d'hypochondriaques dans cette équipe-là. Je ne les nommerai pas. Mais je pense que Jean-Sébastien est quelqu'un de... Pardon? Dans le milieu artistique, en général, les comédiens sont extrêmement hypochondriaques. Ah, mais ça, c'est drôle. Ça. Pourquoi sont hypochondriaques les comédiens ou les artistes? Pourquoi? Ah, écoutez, Jean-Philippe, c'est une question. Non. Merci, Jean-Sébastien. Non, mais il y a une bonne raison. Les comédiens utilisent leur corps et ils ont peur d'être malades pour ne plus être capables de faire le métier. Peut-être que ça contribue à ça. Mais c'est des gens sensibles, inquiets. Peut-être que ça sélectionne aussi des gens qui déjà sont hypochondriaques, comme Jean-Sébastien, qui est un des plus grands hypochondriaques que je pense que c'est le plus grand. Que vous avez rencontré? Non, mais vraiment, parce que moi, j'en connais beaucoup. Mon père était un grand hypochondriaque. Ouais. Mais Jean-Sébastien, je n'ai jamais vu de l'hypochondrie à ce niveau-là. Puis là, je suis sérieux, là. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus hypochondriaque que moi. Toi non plus, hein? Non. Toi non plus. Mais il est passé à travers des maladies affreuses, hein? Oui. Non, mais c'est épouvantable. Mais il est ressorti vivant à chaque fois. C'est ça qui est rassurant en même temps. Il a le corps fait très solide. Est-ce que les hypochondriaques ont une cause négative dans le système de santé actuel? Est-ce que ça se peut? Est-ce qu'il y a trop de Jean-Sébastien Girard? Mais c'est une vraie question, ça. Ça nous coûte une fortune, je suis sûr de ça, moi. Mais je me pose la question, vous êtes urgentologue, vous envoyez, j'imagine, des maudits tannants comme Girard. L'hypochondrie intense, c'est quand même pas si fréquent que ça. Je dirais que la crainte de la maladie, par contre, les gens sont très craintifs de la maladie, consultent beaucoup. Moi, je vois beaucoup de gens inquiets qui consultent pour des trucs relativement banals, des rhumes, des trucs comme ça. Donc, la crainte de la maladie, c'est sûrement une petite partie des dépenses, mais ça ne rejoint pas du tout ce que Jean-Sébastien est capable de faire. Là. Mon Dieu! On est très loin. On va-tu le perdre avant la fin de l'émission? Non, mais Jean-Sébastien m'a raconté qu'à 7 ans, il a attrapé le sida en mangeant avec son oncle qui est homosexuel. Là, c'est pas rien, quand même. Bon, à ma décharge, à l'âge que j'ai vu le sida arriver et on ne savait pas trop c'était quoi. C'est le début des années 80. On entendait toutes sortes de choses à la télé. On parlait d'un cancer gay. On pensait que c'était un truc surtout pour les gays, surtout pour les noirs, surtout pour les drogués. C'est ce qu'on disait à l'époque. Ouais, qu'on attrapait sur les poignées de porte. Je me souviens d'avoir avalé aussi un insecte en me disant si l'insecte a précédemment piqué un séropositif, probablement que je suis séropositif, j'avais 10-11 ans. C'est des étapes de mon enfance, Jean-Philippe. Mais c'est des vraies histoires. Ouais, mais ça doit former en tabarouette, ça. Ben oui. Vous m'avez connu, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Oui, vous n'êtes pas encore mort. On a partagé une sclérose en plaques l'année dernière. Oui, c'est vrai. Mais vous avez remonté ça avec courage, Jean-Sébastien. Oui. Et Fred voulait proposer qu'on déménage les bureaux au premier étage, vous souvenez-vous? Oui, c'est vrai. Et jamais de grossesse ectopique? Pas encore. Il mais je ne l'exclus pas. Mais à un moment donné, vous avez pris un peu de poids et je me disais, ah, il y a peut-être quelque chose. Grosse nerveuse. Il y a peut-être quelque chose. Mon Dieu, trouvez-vous que j'ai grossi pour vrai? J'ai-tu ça enflé, docteur? C'est pas la tribune pour ça, Jean-Sébastien. Mais je vous parlerai d'un régime tout de suite après l'émission. Docteur, on en parlait au début de l'émission, la vie après la mort. Jean-Sébastien, Olivier en parlait. Oui. Cette histoire qui confirme, en fait, le papier scientifique qui confirme qu'il y a une vie après la mort, c'est très rassurant. J'ai lu dans votre blog sur l'actualité que vous avez passé pas moins de 2000 mots. 2000 mots? Oui, oui. Je ne les ai pas comptés. Non, mais vous êtes une machine. Hein? Oui, vous avez répondu d'une façon... En fait, vous avez répondu presque plus long que l'article scientifique lui-même. Et vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette idée-là. Donc, évidemment, l'article dit qu'il y a effectivement, il y aurait une vie après la mort, selon une recherche qui semble assez sommaire. Mais vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. Mais c'est que le chercheur qui fait cette étude-là, ça fait 20 ans qu'il étudie ça. C'est plus qu'un chercheur, c'est un militant, là, presque, pour la vie après la mort. Il est vraiment pour ça. Non, mais c'est vrai. C'est ça, OK. Et le seul patient dans ça, parce que lui, il y avait deux trucs, là. Sa première étude qu'on attendait depuis 10 ans, c'est qu'il a mis des cibles au-dessus des salles de réanimation cachées pour voir si les gens qui allaient mourir et revenir étaient capables d'aller voir si c'était un triangle ou un rond ou un carré. Donc, c'est pas des blagues, là. Des formes géométriques cachées dans les salles de réanimation. Absolument. Et si les gens meurent, sont capables de voir si effectivement... Il avait annoncé ça en grande pompe à New York il y a 6 ans et on attendait ça. Et dans l'article, ça parle de ça, mais il n'y en a pas parlé beaucoup parce que personne n'a vu les dites cibles. Donc, c'est un échec. Il était trop bien caché. Il était trop bien caché. Ouais. Mais là, l'autre chose, c'est qu'il y a juste un patient qui, lui, s'est trouvé au-dessus de son corps, a vu la réanimation, tout ça. Mais ce seul patient qui se souvient de ça, qui l'a interviewé, ben c'est le chercheur Pernia qui a été chercher l'information lui-même et qui a dit, lui, il a tout vu ça. Donc, évidemment, c'est une étude décevante pour ceux qui... je pense pas que ça dit ce que le titre dit, là, la vie après la mort, franchement. Ça dit que le cerveau encore vivant, parce que quand on est en arrêt cardiaque... Moi, en arrêt cardiaque, là, des fois, j'ai fait des massages chez des gens. Ouais. Les gens ouvrent les yeux et prennent leurs mains et me saisissent les mains, là. Wow. Hein, pendant que je pompe leur cœur. C'est pas des blagues. Vous êtes un sacré masseur. Non, mais Jean-Sébastien, quand on fait ça avec conviction, là, ça fonctionne. Non, mais c'est vrai, le cerveau est allumé et vient nous chercher. Là, c'est pas des blagues. Donc, il y a une activité cérébrale. Et c'est sûr que le cerveau enregistre des trucs un peu étranges, mais ça n'a rien à voir avec la vie après la mort, malheureusement. Enfin, ou heureusement. Mais est-ce que vous croyez, vous, en une vie après la mort? Bon, moi, je suis pas particulier. Non, je suis pas un partisan de ça. Je veux dire, j'ai jamais vu personne me raconter quoi que ce soit qui ressemblait à ça. Parmi les patients, nombreux quand même, que j'ai ramenés à la vie, là, en général, ils se rappellent de rien. Hein? Ils ont fermé les yeux, ils les ont ouverts. Des fois, c'est 5 jours après, mais quand même, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Un certain nombre vont ramener des impressions. Puis, à quoi ça correspond, on ne sait pas trop, dans le fond. Hein? On ne sait pas trop. Donc, fait qu'on n'a pas la réponse. Vaut mieux pas prendre de chance puis vivre maintenant. Avant mieux de vaut mourir. Vivre. Mieux vaut vivre. Voilà. Mieux vaut vivre avant de mourir. Ouais. Je vais la prendre en note, Michel. Je trouve ça toujours intéressant. Ça. Cadeau. C'est fou, mais on peut en apprendre hein, avec certaines personnes. Pendant que vous êtes ici, je me dis, bon, il y a beaucoup de mouvements dans le système de santé en ce moment, beaucoup de mouvements avec le docteur Barrette. Et c'est pas un jeu de mots, là. Et je me disais, est-ce que ce qui se passe en ce moment, est-ce que c'est une mauvaise idée de restructurer le système? Et je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup, les gens de l'opposition, en fait, sont très énervés avec ce qui se passe dans le milieu de la santé, mais tout le monde est d'accord pour une restructuration du système en soi. Est-ce que c'est une mauvaise chose qui se passe? Ben, vous m'avez posé la même question l'autre jour, il y a une semaine. Je vais vous répondre de la même façon. C'est deux publics différents. On est peu à regarder l'autre émission. Mais les gens sont inquiets. Les gens sont inquiets parce que c'est une réforme majeure. Il ne faut pas se le cacher. En fait, on n'abolit pas les agences, je pense. Non. On garde des agences, puis on abolit tous les établissements. C'est ça qui arrive. Il n'y a plus de conseil d'administration. C'est un très, très gros changement dans le système. Et les gens sont inquiet, puis avec raison. Cette réforme-là, en comparaison avec celle du Dr Couillard, elle a beaucoup plus d'ampleur et ça change vraiment la dynamique du réseau. On pourrait en parler pendant des heures, je ne sais pas si vous avez le temps. Là, surprenant, honnêtement, il y a des reprises après nous autres. On peut y aller, il n'y a aucun problème. Mais il y a une complexité. Ouais. Les gens ont beaucoup de craintes. Je pense que les gens vont s'exprimer en commission parlementaire là-dessus et ils vont exprimer des points de vue qui sont assez divergents sur la réforme. Et puis, est-ce que l'Ebola, ça va bien, ça, c'est correct? L'Ebola, ça va très mal en Afrique. Ah, mais non. Et ici, ça va bien, mais on est plus... Non, mais je dis ça parce que Jean-Sébastien a toussé pendant toute la semaine et je me suis posé des questions. Est-ce qu'il est allé en Afrique ou... Comment? Non, ça me fait pas peur. Ah bon? Gastro, les rhumes, ces trucs-là... Il n'y a pas peur des virus, Jean-Sébastien. Ça m'a beaucoup surpris, d'ailleurs. C'est les ligues majeures, moi. C'est les cancers, SLA... Ah, c'est le gros truc. Mais Ebola, c'est 50% de morts. Mais vous savez que le HIV, c'est un virus quand même. C'est une ligue majeure. Jean-Sébastien, le HIV, c'est un virus quand même. C'est vrai? Oui. Mais non. Ah, c'est une hypocondrie sélective. J'y crois pas. Ils font ça pour nous faire peur. Ah, vous êtes fin, Jean-Sébastien. Vous restez avec nous s'il se passe quelque chose avec Jean-Sébastien? Oui. OK, génial. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, un, merci, Dr. Vadeboncœur, mais deux, on vous remet ça avec un cadeau. Ah bon? Oui, parce que c'est une tradition, en fait, avec nos invités. Ils ont le droit à un cadeau offert par Jean-Sébastien et Fred Savard. Oui. Jean-Sébastien, Girard et Fred Savard sont deux enfants nés du théâtre. J'ose le dire comme ça. C'est tellement pas vrai. Toujours, Fred, ouais. Les planches, on en mange. Ah oui. Totalement. Il dit ça souvent dans le bureau. Oui. Et ils offrent donc une pièce de théâtre, une relecture. C'est d'une pour pièce faire revivre les radios romantiques de l'époque de Radio-Canada. Et ils auraient pu tomber dans le facile cette semaine. En prenant et en relisant la pièce que vous avez coécrite avec Alexis Martin. Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Ouais. Ouais. Mais non, nous n'irons pas là. Hein. On a décidé d'aller dans une dramaturgie encore plus touchante et qui vous rejoint, cher docteur, celle de Fabienne Larouche et dans l'excellent téléroman Trauma. Oui. Oui. Alors, messieurs? Alors, c'est un extrait de Trauma 14, la 14e saison, écrite par Fabienne Larouche. Oui. Voilà, donc il se passe quelque chose de pas très jojo, hein, qu'on peut dire dans cette scène-là. Non. Moi, je serai garde Oud. Oui, et moi, je serai j'aurai le rôle de Christian Bégin, donc le médecin avec des bracelets de cuir. Absolument. Ouais. Ça, c'est pas... mais on rit, mais c'est pas hygiénique, des bracelets de cuir. Hein. Juste quand ma femme est infirmière et elle s'appelle Oud. Ah, c'est vrai? Donc, beau hasard! Garde Oud, good. C'est dur. Oui. Alors, place au théâtre. Mobile 6098 en provenance du gym Pro 66 rue Potter. Raison du 10-10, masculin 29 ans, inconscient mais respire. C'est suite à un entraînement de boxe, Glasgow 3. Deuxième patient, son adversaire conscient et alerte. Présenté ma tombe périorbitale important. En passant, c'est le champion géodémique. On se prépare pour le transfert rapidement. Mon signal, 1, 2, 3. Tentez, s'il vous plaît. Adonésine, s'il vous plaît, vite. OK. Reste avec nous autres. Reste avec nous autres. 230 sur 120. Il est en hypertension. Toxico. Oui, toxico, s'il vous plaît. OK, on intube. Ouais. Ah, OK, il fait une hémorragie gastrique. On le revire. Non, OK, on laisse faire. L'adénosine, les pattes, vite. Charge, dégagez. Ah! On charge, dégagez. Ah! Oh yeah, il est reparti! Que c'est que tu nous fais là, toi? C'est beau. On a un coup bien frappé. Ah, c'est pas un infarctus. Non, c'est un choc induit. Ah, il a dû prendre quelque chose, là. Oh, les calices sportifs. Ça va me prendre des radios de la tête, j'ai une pupille qui dilate. Hématome sous-dural? Ouais, quelque chose du genre. L'arythmie s'instabilise. OK, amio 300 mg en bolus. Répétez deux fois. 3 mg par kilo, s'il vous plaît. Ouais, il pèse combien, d'après vous? Ouais, je dirais 130 kg. Calcule 130 kg. Une belle pièce d'homme. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est nul. Non, du tout. Écoutez, vous avez entendu, il y avait bip. Oui. Bip, ça, c'est le bruit du cœur. Ben oui. Hein? Le cœur, s'il est régulier ça, on donne pas d'adénosine, on donne pas de choc. C'est épouvantable. Vous manquez de réalisme. Vous manquez d'écoute, c'est qu'il y avait deux patients dans la chambre. C'est l'autre à côté. C'est pas bien dur, non, mais c'est pas bien dur d'avoir l'air d'un médecin, hein? Non, c'est extraordinaire. Ça, on le voit bien avec M. Bolduc aussi. Ça a l'air plus dur d'être ministre de l'Éducation. Oui. Je me demandais... mon Dieu, Jean-Sébastien Girard, retenez-vous. En ouverture de cet extrait-là, on entendait une voix qui nous expliquait qu'est-ce qui se passait. Est-ce que c'est votre voix? Non, c'est vrai que ça semblait. Oui, énormément. Ben, je pense pas que c'était moi. Est-ce que vous êtes fait payer pour ça? Non. Alors, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est clair que c'est pas vous. Hey, messieurs, merci énormément. C'est un de vos beaux rendus. Oui. Je trouve, personnellement. Et en tant que garde-houde, vous êtes extraordinaire, Jean-Sébastien. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, l'émission qui trouve que la CAQ a fait justement un cac dans son froc avec sa motion sur PKP. Franchement. Mon Dieu! Je sais, vous vous attendez à ce que je m'auto-congratule. L'actualité est un peu chipette cette semaine. Il paraîtrait que je serais un gauchiste radical. Oui. Mon Dieu, c'est un petit peu exagéré, votre histoire sur la CAQ. Non, non. Hein? Non, mais... vous savez, des fois, ces textes-là, je les fais faire en Chine, hein, j'y reçois, puis... Je sais jamais ce qui me tombe. Il y a un petit peu de plomb là-dedans. Oui, oui. Ah, allez-y. Oui, j'aimerais vous parler de surréalisme cette semaine, Jean-Philippe. Ah, oui? C'est-à-dire ce débat à savoir si oui ou non PKP devrait vendre ses actions avant d'être couronné chef du Parti québécois. J'utilise le mot débat même s'il n'y a pas de débat. Malheureusement, c'est impossible de débattre au Québec. C'est d'ailleurs ce qu'écrivait Marc Cassivi dans la presse en début de semaine suite à l'affaire Anne Dorval, qui, sur un plateau télé français, a dû subir les âneries d'Éric Zemmour sur le mariage gay. On s'en rappelle, hein, les propos de Zemmour ont outré les bien-pensants du Québec, qui étaient tous derrière Dorval, qui, elle, au lieu d'amener des arguments dans la gueule de Zemmour, a préféré produire des cris hystériques, la chose qu'elle fait le mieux depuis qu'elle a commencé sa carrière de comédienne monolithique dans le rôle de Lola dans Chambre en ville, rôle qu'elle décline sur tous les tons depuis 1989. Évidemment, Zemmour dit la plupart du temps des conneries, hein, il est de droite, ça vient avec, mais une chose est sûre, il a le droit de les dire, ces conneries, et notre réflexe devrait être nous pousser à en débattre et détruire ces arguments si nous vivions dans une société saine, ce qui, je crois, n'est plus le cas dans notre beau Québec d'aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve d'abord le fait d'avoir élu un gouvernement libéral majoritaire au printemps dernier. C'est déjà une preuve que nous sommes rendus putrides, Jean-Philippe, mais une autre preuve encore plus accablante de notre putritude collective, c'est ce non-débat sur PKP et ses actions de Québécois. Je ne sais pas si vous avez eu le malheur de vous prononcer sur la chose, Jean-Philippe, mais si jamais vous avez émis seulement des doutes à l'idée qu'un mania de la presse qui possède 40% de l'espace médiatique québécois puisse devenir chef d'un parti tout en conservant ses actions et que ce n'est peut-être pas la meilleure idée si la démocratie, la liberté de presse et un certain sens de l'éthique vous intéressent encore, eh bien, si vous avez eu le malheur d'émettre un tel doute, il est fort probable qu'on vous a traité de fédéraliste, si vous êtes chanceux, sinon de fédéraste, de pourriture colonisée ou de larbin au service de Satan. Satan qui, incidemment, est devenu, si vous l'ignoriez, le majordome des Desmarais, si j'en crois, les militants péquistes. Car ce sont eux qui, cette semaine, m'ont le plus démontré que le surréalisme vivait ses heures de gloire au Québec. Je m'explique d'ailleurs assez mal comment M. Pelladeau est passé en si peu de temps du statut de requin des affaires antisyndicales, à la limite de la psychopathie, à celui de simple citoyen qui ne veut qu'exercer son droit de faire de la politique humblement, mais qui est tellement pur dans ses intentions que ses adversaires tremblent et tentent par tous les moyens de lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ont peur de sa belle candeur et de ses intentions nobles qu'il veut mettre au service du nationalisme québécois. Les militants péquistes ont perdu tout sens critique cette semaine, mais ce n'est pas de leur faute. Ils souffrent d'une maladie, Jean-Philippe. Ah ben pour vrai? Oui, et cette maladie, c'est le messianisme. Je pensais qu'ils en étaient guéris depuis André Boisclair en 2006, mais non, la maladie fait encore des ravages. Je sais, je travaille à Radio-Canada, donc je n'ai pas le droit d'avoir des réserves sur PKP et je le fais ici en tant que simple citoyen, parce qu'en tant qu'employé de Radio-Canada, je suis obligé de, tout le monde le sait, hein, je suis obligé de prêter serment à la reine à chaque semaine. D'ailleurs, je ne vous ai pas vu à la cérémonie hier, je ne sais pas où vous étiez. Ça fait deux semaines que vous ne venez plus. Hein. Je l'ai fait par Skype, moi. Ah, voilà. Oui, voilà. D'ailleurs, j'aimerais terminer ma chronique en remerciant la direction de Radio-Canada de me permettre de faire ma chronique en français, puisque les gens l'ignorent peut-être, mais nous parlons entre nous en anglais la semaine à The Office. C'est obligatoire. Ben, 40%. Nous, oui, et nous buvons également du sang de bébés souverainistes tous les premiers mercredis de chaque mois. Mais c'est pas là non plus la dernière fois. Hein? Je le fais par Skype. Ah, à moins que le sang de bébé souverainiste n'est pas dans votre régime paléo. Alors voyez, il n'y a pas qu'au PQ où le surréalisme fait des ravages. Même ma chronique en souffre. D'ailleurs, j'aimerais la terminer une deuxième fois en citant le père du surréalisme, André Breton. C'est pas le chanteur country, mais le français. Qui disait un jour... Le moindre de mes soucis est de me trouver conséquent avec moi-même. Alors voilà la preuve qu'en plus de souffrir de messianisme, les péquistes souffrent également de surréalisme. Merci Fred Savard. Ça me fait plaisir. Et maintenant, on mange avec Jean-Sébastien Girard. Est-ce que vous connaissez la fameuse recette hebdomadaire de Jean-Sébastien Girard, Alain Badva de Boncoeur? Moi, la cuisine, c'est pas ma force. Ah non? Je chauffe du temps, là, d'ailleurs, aussi. Ah oui, c'est ça, là-dessus. Ouais. Qui fait la cuisine chez vous? Ben, un peu tout le monde. Ah, voilà. Monde, mais sauf vous. Hein? Sauf vous. Un peu tout le monde, mais pas moi. Mais je fais la vaisselle, par contre. Ah. Comme mon père. Vous êtes un homme moderne. OK, Jean-Sébastien. C'est l'action de grâce, Jean-Philippe, oui, en fin de semaine. Mais je sais. Qui a le temps, avec les vies qu'on mène aujourd'hui, de passer une journée complète à cuisiner une dinde dans le four à convection? Certainement pas plus moi. Plus personne. Ben, alors, je vous propose de revenir, encore une fois, au vrai manger. Un retour dans les années 80, à l'époque où on nous proposait de cuire sa dinde dans le micro-ondes, Jean-Philippe. Ah. Alors, j'aurai pour vous une recette de dinde de 10 litres qu'on va cuire en 1h30 au micro-ondes. Mais évidemment, avant, ça sera l'occasion de revenir un peu sur l'histoire du micro-ondes et un peu sur l'évolution du changement de regard qu'on porte sur cet objet-là. Vous allez voir, c'est fort intéressant. Oui? J'ai une question, en fait, c'est niaiseux, parce que moi, j'étais dans les années 80, mais je cuisinais pas à cette époque-là. Et je sais que les deux messieurs ici à côté de moi ont passé à travers l'époque des micro-ondes. Est-ce que vous avez commencé votre cuisine au micro-ondes, vous? Ah oui, puis je vous ai déjà entendu à cette même émission, que j'écoute toujours religieusement à genoux, parler de Jean Benoît, oui, hein, son essentiel encyclopédie de la cuisine canadienne-française, et elle était la porte-parole, je vais me faire lancer une injonction, oui. Madame la porte-parole des Panasonic. C'était le premier micro-ondes format industriel. Il pesait 414 kilos. Oui. Voulez-vous faire toute ma chronique comme ça? J'aimerais ça me garder un ou deux éléments de surprise Peut-être. Non, mais je suis un puits sans fond. Alors, si vous l'ouvrez, garde-vous. Mais cet homme est cultivé. Mais pour vrai, Michel, on va continuer dans cette lancée-là. Parce qu'effectivement, Jeanne Benoît, c'est un personnage fondateur pour le bon manger ici au Québec. Elle est une espèce d'ambassadrice de la nourriture, aussi bien au Canada français qu'anglais. Elle a publié à peu près 35 livres. Et elle a été effectivement la porte-parole de Panasonic, qui est un des trois meilleurs vendeurs de micro-ondes encore aujourd'hui. Ah, oui. Alors voilà. Mais on va revenir donc au tout début du micro-ondes. Quel âge a le micro-ondes, selon vous, autour de la table? 40 ans, 30 ans, 25 ans, 50. 60 ans, Jean-Philippe. 60 ans, mais j'étais proche. Hein? Oui, voilà. Oui. 60 ans. Et à qui on doit attribuer la paternité? Évidemment, quand il y a des success stories, c'est toujours un peu comme ça. Il y a plusieurs personnes qui veulent se battre. C'est un peu comme le concept vu, pas vu. Il y a plein de gens ici sur le plateau qui disent « Ah, c'est moi qui l'ai inventé. » Mais est-ce que c'est... Même Fred dit « C'est lui qui l'a inventé. » Est-ce que c'est une personne ou c'est une entreprise? C'est une personne qui, par le truchement d'une entreprise, a mis sur le marché le premier micro-ondes. Gilles micro-ondes. Pas du tout. Non, OK. On l'appellera Percy Spencer, qui est un ingénieur américain qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, travaillait pour le perfectionnement des ondes radar pour la, attention, la Raytheon Corporation, le Massachusetts Institute of Technology. Vous êtes bilingue, vous. qu'on appelle le MIT. Et un jour, au travail, il décide de déposer MIT. Mais mon Dieu, c'est non mais niaiseux. Vous connaissez ça? Ben oui. Alors, un jour, il dépose un petit morceau de chocolat à côté d'un tube là, qui servait à la transmission de l'énergie du micro-ondes. Ouais. Et il s'est rendu compte que son petit morceau de chocolat était en train de fondre. Oui, il faisait 40 degrés dans la pièce. Il y a quelque chose là-dedans. Donc, il s'est dit, il y a quelque chose là-dedans. Le lendemain, il est revenu avec des petits grains de maïs. Non. Deux minutes plus tard, il se retrouve avec plein de popcorn dans le bureau. Deux petits grains de maïs. Oui. C'est spécial. Il a créé Monsanto. Le lendemain, il revient avec des œufs. Les œufs explosent. Alors, c'est là qu'il a compris que dans le four à micro-ondes, la chaleur venait de l'intérieur et qu'elle poussait vers l'extérieur. Et c'était pour ça que la coquille de l'œuf avait explosé. Donc, sans le savoir, il venait de révolutionner un peu notre rapport à la nourriture pour les années à venir. Donc, le premier micro-ondes a été donc ensuite mis sur le marché par la compagnie pour laquelle il travaillait. Écoutez, là, on parlait en 1947 d'un four qui était toute une pièce d'homme, Jean-Philippe, 6 pieds. Ah. 750 livres. Hey, mais c'est Fred, ça va? Je l'avais écrite, cette blague-là. Et j'ai pas. Oui. Puis je me suis dit, bon, ça va encore créer des frictions dans le milieu de travail. Et contrairement à Fred Savard, il valait 4 000 $ quand même. Ah, mon Dieu! Non, Fred vaut plus que ça. Voilà. Dans les années 50, il s'est allégé un peu, il pesait 101 livres. Et le premier micro-ondes vraiment de comptoir est arrivé en 54-55, si on n'est pas trop sûr. Mais au Québec, il va arriver seulement dans les années 70. On est toujours en retard. Oui. Dans le distribution consommateur de 1979. Hey, c'est mon année de naissance. C'est vrai? Ben oui. Bon. Dans la presse, on nous rappelle ça. On vendait un micro-ondes, un Sanyo. On est en 1979 et il coûtait 749,95 $. Je pense que c'est le prix. Comme d'habitude, il était dans le catalogue, on arrivait sur place, puis on avait... Vous n'avez plus. Voilà. Avez-vous connu ça, distribution consommateur? Ben oui, j'ai connu ça, évidemment. C'était formidable. Via les publicités de RBO. Vous vous souvenez de ça? Oui. Parodie d'RBO. C'est l'âme au lieu de CEDAC qui disait. Voilà. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, ça coûte combien micro-ondes? Je suis allé voir le moins cher sur Canadian Tire, le site ce matin, et il y en a à 54 $. Évidemment. 54 $. Évidemment, ce rapport-là va complètement changer dans notre rapport à la bouffe. On voit le prêt-à-manger aujourd'hui. On voit, évidemment, tous les plats congelés. Mais à l'époque, on pensait que ça allait changer notre façon de cuisiner parce qu'on pensait qu'on allait complètement abandonner le four traditionnel et qu'on allait faire absolument tout dans le micro-ondes. Il y avait sur le marché des livres de recettes pour le micro-ondes qui pullulaient un peu partout. Jeanne Benoît était une de ses ambassadrices-là. Elle nous disait, il n'y a plus rien qu'on a besoin de four au fer traditionnel. On a juste besoin de ça. On peut tout faire. Il y a un livre de recettes où elle est assise sur sa table. Elle a des micro-ondes. Elle a un poulet entier, un jambon, un roast beef. Moi, je m'en sers comme chauffage de poing à la maison. J'ouvre la porte, je le parle, la porte ouverte, puis ça chauffe. Ouais. C'est donc bien niaiseux de penser ça en même temps. Benoît avait 10 fours à micro-ondes à la maison. Elle essayait toutes sortes de choses. Et je vais vous proposer de vous l'entendre. Elle est morte jeune aussi. Oh, pas tant, Jean-Philippe. On va l'écouter à l'émission Au jour le jour, au début des années 80, nous parler de la révolution du micro-ondes. Avec le four à micro-ondes, c'est déjà une révolution. Je peux vous dire avec assurance que dans 10 ans, il y aura au moins 40% des fours sont des fours micro-ondes. J'ai peur de ne pas vivre assez longtemps, c'est mon problème. Je voudrais voir ce qui va arriver, parce que pour moi, ça va tout faire. Hein? Griller, barbecue, tout ce que vous voulez, ça s'en vient des choses formidables. Alors, je me dis, s'il faut que je rate ça, ça va être épouvantable. Je crois même qu'à un moment donné, vous allez pouvoir lire dans votre vivoire, et puis vous n'aurez qu'à toucher un bouton, comme on fait avec les téléviseurs. on cherche la station qu'on veut, on met le bouton, puis ça marche tout seul, on n'a pas besoin de se lever de sa chaise. Eh bien, ça va être la même chose. On va peser un bouton, puis ça va communiquer au micro-ondes qui sera dans la cuisine. C'est triste quand même, moi, hein? Moi, je trouve ça triste comme première. Ouais, ouais. Elle est tellement heureuse aujourd'hui. C'est vrai qu'elle serait heureuse, Michel. Oui. Voilà. Donc, quel elle cœur. Était convaincue. En fait, une chose dans cette même émission-là, elle disait, j'utilise maintenant mon four à convection pour une seule chose, pour faire dorer mes croissants. Tout le reste, ça va dans le micro-ondes. Évidemment, avec le temps, notre rapport au micro-ondes a ouais. changé. On le voit maintenant comme un truc un peu d'appoint, pas vraiment pour cuisiner. Les mauvaises langues vont dire que ça crée une cuisson inégale, de la croûte molle, une viande un peu triste. Donc, cette révolution ouais. est demeurée une espèce de concept. Mais je vous propose de faire revivre, donc, aujourd'hui, avec ma recette, d'une belle dinde au micro-ondes. Alors, j'ai apporté ici une grosse dinde de 10 livres. Comme vous pouvez voir, j'ai deux micro-ondes. Mon Dieu, que ça sent bon! Mais oui, c'est à cause que je l'ai badigeonné avec un beurre de grande qualité. Voilà. C'est tellement niaiseux. Et donc, je vous propose ouais. tout d'abord une première cuisson parce que c'est en deux étapes. Alors, la première cuisson, je le mets, voilà, 70% medium high. Donc, c'est à peu près 4 à 5 minutes par livre. Okay, donc, pour ouais. un 10 livres, ça va être 50 minutes. Là, on va tricher un on peu. On va aller dans le deuxième four, là. Ben oui, oui. On ça. Va tricher parce que je vais arrêter immédiatement la cuisson. On arrête. Je sors ma dinde. Je la retourne de bord. Ouais. Ah. Voilà. Je badigeonne un peu. Aucune éclaboussure, bravo. Non, voilà. Et je refais une deuxième cuisson, 4 à 5 minutes, voilà. À medium high, un autre 50 minutes. Mais, petite question. Oui? Vous dites 4 à 5 minutes. Comment on l'inscrit sur le four à micro-ondes? Non. Minutes. C'est 4 à 5 minutes par... C'est à peu près. Là. Okay. Bon. Mais vous souvenez-vous, ça, c'était à l'époque où, dans le fond, on avait des petits cadrans. Ah, là, oui, pour, oui, oui, on oui. avait high, low, puis on avait de 0 à 50. Ouais, voilà. Ouais. Donc, on va sortir la dinde. On peut sortir la dinde. Voilà, on la laisse traîner sur le comptoir 30 minutes. Oui. Pour qu'elle et chambre, c'est prêt. Oui, pour la mettre un peu à la température de la pièce. Oui. Évidemment, il y a des risques. Quand les extrémités vont être brûlées, les ailes ne seront plus tellement fréquentables. La peau risque de ne pas être croustillante. Le milieu risque d'être un peu cru. Mais c'est pour tous les goûts. C'est pour tous les goûts. Ça nous permet de sauver un peu de temps. Les amateurs de tartare de dinde se pourlèchent. Happy Thanksgiving! C'est tout? Ben oui. Mais on y goûte même pas cette semaine. Non, non, mais ça va être prêt dans non, 50 mais ça minutes. Sent bon. Dans 50 minutes. Ça sent bon. Ben soyez patients. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Girard. Simplement pour rediffuser des extraits de la Radio de Québec. Ah. Trop gros, qui m'engage au lieu de foncer des balles. On a-tu vraiment besoin de ça comme contribuable? On va continuer notre dégustation de poulet pas cuit ouais. Avec les meilleurs morceaux d'Olivier Niquette. Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu ça cette semaine, la vidéo de Pierre Moreau qui se sauve d'un manifestant contre le projet de loi 3 en ouais. roulant sur le gazon à Laval. Là, non. Et on sait qu'à Laval, le gazon, c'est très important. Jean Lapierre a publié sur les réseaux sociaux la petite vidéo en question où on voit ça se produire, ce qui lui a permis d'en tirer les mêmes conclusions sur ses 58 tribunes. Ça, je te dis, moi, dans trois ans sur Twitter, c'est la première fois qu'un ministre libéral gagne la bataille des réseaux sociaux. Hier, là, moi, je l'ai retweeté, ce vidéo-là et tout ça. Je peux te dire que c'est la première fois que je vois ça, qu'il y a plus de commentaires positifs pour un ministre libéral que pour les syndiqués. J'ai mis ça aussi sur Twitter et sur Facebook. Et pour la première fois, les gens défendait le ministre Moreau. Et c'est pour ça que je te dis, je pense ouais. que les syndiqués ont un problème avec l'opinion publique. Bon, désolé pour la répétition, là, mais je voulais juste vous montrer que partout où il est passé cette semaine, Jean Lapierre a dit que la population était pour le projet de loi 3 en se basant sur Twitter et sur Facebook. Bon, je suis allé voir ses publications sur Twitter et Facebook. Sur Twitter, il y a une seule personne qui a répondu et qui a dit que Moreau était un bandit. Sur Facebook, il y a 26 personnes qui ont répondu. 13 étaient pour Moreau, 12 étaient contre. Il y a une madame qui a dit que Lapierre était trop pro-CAQ et anti-PLQ. Donc, Jean Lapierre aurait dû dire 13 pour, 13 contre, puis une madame bien mêlée. Et encore là, je pense que cette analyse-là aurait absolument aucun bon sens. Sinon, vous savez quel a été le gros sujet à Montréal la fin de semaine passée? Non, je, non. Ben, attendez un peu, le Canadien qui recommence à jouer quand même. Ben non, toute la fin de semaine. Non, je sais pas. Toute la fin de semaine, à Montréal, on parlait de trottoirs chauffants et c'est pas une blague. Ce qui est une blague, par contre, vous avez pas parlé de ça, vous? Non. Ce qui est une blague, par contre, c'est de voir que Montréal, une ville pourtant tellement écolo, veut se doter de trottoirs chauffants, comme l'explique Jérôme Landry de Radio X. Il me semble que les mêmes gauchistes à Montréal nous disent que l'hiver, ça existe à peu près plus aussi. Oui, c'est vrai. Ils nous disent ça, que l'hiver... Ça disparaît. Ils nous disent que du hockey sur des glaces extérieures à Montréal, ça n'existe plus. Non. Mais là, il se revire de bord et il demande des trottoirs chauffants. Peux-tu m'expliquer la logique derrière ça? Ben non, il n'y a aucune logique derrière ça. D'ailleurs, moi, je suis un petit peu écolo. Je mets aucun chauffage chez nous l'hiver. Je chauffe ma maison uniquement au réchauffement climatique. Ça fait la job. Non, mais... faut être conséquent quand même. Là. Montréal, franchement, tu fais dur. Des trottoirs chauffants. Montréal, quelle drôle de ville. Quelle ville spéciale. Exactement. Et quelle autre ville est spéciale aussi? Québec. Il y a autour de l'horloge du Jura des trottoirs chauffants. Devant l'hôtel de ville de Québec. La vie nous réserve toujours des surprises. Ben oui, ils s'en sont rendus compte le lendemain. Québec, quelle drôle de ville. Autre chose qui est drôle aussi, c'est Jacques Beauchamp de l'émission Pas de midi sans info qui des fois fait des petits lapsus. Après les nouvelles, la réaction de Réal Bélan au décès de Gilles Duceppe. De Gilles Latulippe, pardon. Je comprends que le camp souverainiste est un champ de ruines, mais quand même. Autre lapsus cette semaine lorsqu'il faisait référence au livre « Même s'il fait noir comme dans le cul d'un ours » de Catherine Dorion. C'est un peu un deux pour un parce que ce titre, oui. Faire noir comme dans le cul d'un aigle, ça pourrait être... D'un ours, oui. Hey boy, en effet. Sinon, j'aimerais aujourd'hui me porter à la défense de Lise Ravary. Pardon? C'est si drôle que ça. Ben, c'est très drôle, Jean-Olivier. Excusez-moi. Oui. J'aimerais me porter à la défense de Lise Ravary. Bon, c'est un peu paradoxal. Là, cette semaine, elle se plaignait sur les ondes de Radio X que les gens étaient toujours fâchés dans les médias et que les gens étaient très impolis sur les réseaux sociaux. Et comme c'est moi qui reçois les courriels à l'émission, je confirme, les gens n'ont pas d'allure. En tout cas, selon Mme Ravary, et je n'en doute pas, c'est encore pire pour une femme. Ça, c'est classique pour une femme. Hein? On s'en prend à son apparence ou on s'en prend à ses mœurs sexuelles? Ça veut dire qu'il y a un bout d'argument, pas à peu près. Ouais, ce qui me fascine avec les chroniqueurs qui passent chez Morel Life, c'est qu'ils ne semblent pas souvent écouter son émission. Hein, parce que des fois, Dominique, lorsqu'il est à bout d'argument, pas à peu près, il s'en prend à l'apparence des femmes, comme ce fut le cas avec Teresa Spence, Manon Massé et Jennifer Lawrence. Tu sais, l'histoire de la Pocahontas au double menton qui mange la soupe. Non, j'essaierai pas, Manon, j'essaierai pas Québec solidaire. L'as-tu vu hier en conférence de presse? Non. C'était pas une annonce de Gillette, ça je peux te le dire. Jennifer Lawrence, je m'excuse, là. On l'a vu flambant, là, c'est très ordinaire, là. Une chance que Lise Ravary nous écoute pas, elle serait sûrement très déçue. On va finir avec un petit extrait de Rambo Gauthier qui se désolait que cette île soit sur le bord de la faillite et qu'on accorde si peu de temps aux nouvelles pour en parler. Tu sais, Manuota, il a tué du monde, mais c'est pas le premier qui a tué du monde. Oui, c'est grave qu'il ait tué quelqu'un. Par contre, on a une région qui est en train de mourir, là. Laissez faire Magnota, là, cette île est en train d'être démembrée. Faut mettre les priorités aux bonnes places. Merci. Ça nous donne une bonne fin d'heure, ça. Jean-Sébastien, est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Oui, des questions pour Michel et pour M. Vadeboncœur. Donc, rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, M. Vadeboncœur, si vous pouvez rapper une réponse assez rapidement pour Geneviève Bélan, qui va avec cette question-là. J'aimerais connaître l'avis de M. Vadeboncœur sur des sujets comme le domaine pharmaceutique, le projet de Québec solidaire, Pharma-Québec, le refus de traitement de chimio de Mme Josée Blanchette. Est-ce qu'on prend trop d'antibiotiques, de vaccins, de pilules puis de crèmes? Est-ce qu'on les paie trop cher également? Je dirais de façon générale, oui et non, ça dépend. Alors voilà, ça, pour c'est Mme Bélan. Un autre courriel maintenant, rapidement. Allez-y. Pour Monsieur des Hôtels. Monsieur des Hôtels, je m'explique difficilement qu'un homme de culture et de contenu comme vous décide de s'asseoir avec les gars de la soirée est encore jeune. En quoi leurs blagues peuvent bien interpeller un grand homme comme vous? C'est une excellente question. C'est donc bien écœurant, ça. Mais ben, c'est pas sûr qu'on vient en deuxième heure avec vous, Monsieur des Hôtels. Hein. Je vous garantis pas votre présence, j'ai franchement. J'ai empoché mon cachet. Ah ben, nous, on se quitte pour les nouvelles, mais juste avant, on remercie évidemment Alain Vadeboncœur. Est-ce que vous voulez rester pour la deuxième heure? Ben, je vais être juste en face ici. Ah ben non, vous avez le droit. On vous donne un micro, hein, ou peut-être qu'on invite votre femme. Ben, on pourrait aussi. Mais pauvre sûr. Femme. Ouais. Pauvre femme. On va l'accueillir, on va lui offrir un verre. Qu'est-ce que vous voudrez, Jean-Philippe? OK, parfait. Ben, vous restez avec nous quand même, et ceux qui veulent aller acheter un livre entre le petit 10 minutes de nouvelles, là, c'est Les acteurs ne savent pas mourir dans Alain Vadeboncœur, et c'est très bon, je vous le confirme. Nous, on revient évidemment à la deuxième heure. On recevra Alexandre Boulris du NPD. Il y aura le vu, pas vu avec une immense surprise, mais on vous vole pas de punch. Alors, on va écouter les nouvelles, on revient dans une dizaine de minutes. Bye! On est de retour pour la deuxième heure de la soirée. T'es encore jeune. On est encore bien. Vous avez le droit d'applaudir. Hein? Oui. On est de retour en compagnie, évidemment, d'Olivier Niquette, de Jean-Sébastien Girard, de Fred Savard, de Michel Desautels. Oui. Et... Oh boy! C'est rare, un amateur de Michel Desautels, quand même. Hein? Mais vous, jaloux. Vous les voyez très peu parce que vous êtes dans des studios dans le sous-sol de Radio-Canada, Michel. Oui, alors que nous sommes tout à fait présentables. J'en parle pas le nous royal, là, je parle de nous tous. Oh, oui, tout c'est tout à fait, une bonne tout idée fait. De vous sortir comme équipe. Je trouve que ça humanise, ça rajeunit la chaîne. C'est vrai. Non, mais et je trouve ça aussi important pour vous, Michel, qu'on n'a pas vu à la télé depuis tellement longtemps. Quel dommage. Oui, ben c'est ce que je me dis à chaque fois. Hein. Comment ça se fait que vous ne faites plus de télé, Michel? Ben, un, je suis trop cher. Ah oui, à ce point-là. Hein. Parce que vous, on vous paye une misère à Télé-Québec. Ah, moi, vous savez, je quémande, moi, mon salaire. Oh, oui. Mais non, je ne sais pas. Écoutez, à chaque âge, c'est plaisir. Et moi, c'est pour vous que j'ai laissé une impression favorable dans la mémoire de mes rares téléspectateurs. C'est parfait. Ah, moi, j'ai grandi sur Studio Libre. C'est vrai? Oui. C'était quoi cette émission? Je me souviens pas, moi. C'était un show de variété à Radio-Canada, à la télé. Ouais. Ah ouais? Où il y avait Mitsou qui avait passé un test de dépistage du VIH. Ah, mais c'était à votre émission! Absolument. Ah oui, ouais. Mon Dieu! Ouais. Et c'est pas après un rapport sexuel avec moi, là. Non, mais c'est... c'est... Franchement! Vous allez beaucoup trop loin. Je suis moins à l'aise avec cette émission-là. Et ça, ça a duré, j'imagine, une dizaine de saisons. Une grosse année. Et on a eu une nouvelle direction. Votre patronne, d'ailleurs, de Télé-Québec, qui a décidé de mettre ça à la poubelle dès qu'elle a été nommée patronne chez nous. Mais elle a du goût, hein? Oui. Elle a énormément de goût. Ben, oui. Merci d'être avec nous encore. On va rejoindre bientôt Alexandre Boulris, le député du NPD, qui est déjà assis avec nous. Hein. Il est très, très anxieux. Bonsoir, Alexandre. Pratiquez-vous, là, tantôt. On va revenir à vous, là. Olivier, rappelez-nous notre question du jour. La question était, si PKP vendait ses actions de Québécois, que lui proposeriez-vous de s'acheter avec l'argent qu'il fera? Et on a vraiment beaucoup de réponses, comme je disais tantôt. Mon Dieu! D'abord, plusieurs personnes proposent qu'il achète Jessica. Ouais. Ah, bonne idée. Malheureusement, je pense pas qu'il y a assez d'argent pour ça. Il y a beaucoup de personnes qui proposent qu'ils achètent aussi le Canadien. Ça ferait de quoi mettre dans son amphithéâtre. Il y a aussi des gens qui parlent qu'ils devraient acheter Radio-Canada. Et ça, je suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Je sais pas. J'aurais peur. OK, d'accord. Alexandre et quelques autres proposent aussi qu'il achète les libéraux. Ah. Pas fou. Julien dit qu'il devrait s'acheter une ferme d'abeilles en Sibérie. OK. Et Isabelle, une coupe de cheveux. Et une fondation pour les plus démunis. Et Jacob dit qu'il devrait s'acheter... Il a acheté des nouvelles robes pour Julie Snyder dans le banquier. Haha, parce qu'elles sont pas belles, ces robes. C'est quand même une des meilleures. Merci beaucoup, Olivier, encore, vos commentaires pertinents. Ben, c'est pas les miens. Ah ben non, je sais, mais vous choisissez de les lire quand même. Et à la circulation, maintenant. La circulation... Vous savez, fait cocasse, hein? On pourrait facilement passer à la circulation sans ces flaflas de Jean-Sébastien. Oui. Cependant, on a reçu une demande cette semaine d'une harpiste qui voudrait accompagner Jean-Sébastien dans les présentations circulation et météo. Ouais. Ce qui en ferait le jingle de météo le plus cher de toute l'industrie. Peut-être. Alors, ça va être météo-circulation. Il y a Jonathan Martel qui, cette semaine, m'a écrit qu'il voulait avoir la circulation pour mardi prochain parce qu'il nous écoute en podcast seulement le mardi. Voilà. Il ne m'a pas précisé où il habite, donc j'ai arbitrairement choisi la ville de Maniwaki. Donc, pour mardi, on annonce 40% de pluie, minimum de 11, maximum de 19, ce qui nous donne quand même une moyenne de 15. Pour la circulation, on devrait avoir un ralentissement coin principal et la rue Wolf à cause d'une traverse d'Orignal. Patrick Leduc qui nous écrit que le ballon circule bien au stade Saputo. C'est le fameux chroniqueur de soccer, un sport qui est en train de mourir dans l'anonymat à Montréal, oui. Fameux, c'est un peu exagéré. Ouais, je sais. Jean-Cyr, je suis un ex-Saguenayen. Petite correction, dans la réserve de Laurentide, il neige encore en juin. Non. Et il commence à neiger en juillet. Alors, ça me excusez-moi. Oui, il faut quand même être précis. Juste le noter. Il y a Paul R. qui nous dit qu'il y a un troupeau de Français qui bloque l'avenue Mont-Royal à l'auteur de Saint-Denis. Un agent de Parc Canada essaie de les faire avancer en les flattant, mais sans grande réussite. Et il y a Loulou, une auditrice de longue date qui me demande, hey boy, elle écoutait ce pornographe, je crois, qui me demande de prendre la voix de mon oncle Saucisse pour dire qu'il fait pas chaud pour la pompe à eau à Bécamo. Alors, voilà. Nous sommes une émission de service, je le rappelle. Vous offrez des services vraiment extraordinaires, ça va. Tricheuse. Oui. Ça prend pas beaucoup de choses pour être heureux dans la vie. Michel Desautels, vous savez, on donne 5 minutes à nos invités d'honneur à chaque semaine. Et suite évidemment à vos commentaires négligents sur ma propre personne, j'ai pensé vous les enlever ces 5 minutes-là et les donner à Alexandre Boulris. Mais en même temps, c'est Alexandre Boulris, alors on va les garder. Est-ce que vous avez des sujets qui vous ont marqué, Michel Desautels, cette oui, semaine? Oui, votre peignure. Il y a des oui, sujets. Oui, non, je sais, mais ça, revenez sans bon lieu. Non, mais sous un titre général qui pourrait être plus on avance, plus on recule. Et d'ailleurs, vous avez amené de l'eau à mon moulin virtuel tout à l'heure parce que, en parlant des niaiseries ouais. qui se répètent sur Twitter, qu'on peut détourner, qu'on peut embarquer sur le dos d'un compte qui est populaire pour aller faire des conneries n'importe où. J'ai regardé ce matin avant de venir ici. Ouais. Et mon compte, enfin, celui de mon émission, parce que personnellement, je ne suis pas trop client, mais en tout cas, j'écris dessus. Cela dit, la plupart des choses qui sont mais là, votre compte, quoi, mon alors? Compte Twitter. Ah, OK, voilà. J'ai... Non, non, il faut préciser, oui, Michel. Pour mon compte de banque. Ouais, c'est ça. J'ai 4752 abonnés aujourd'hui. Ah, c'est pas beaucoup? Non, je sais. Non, mais ça s'en vient. Merci, ils sont tous ici, d'ailleurs. Mais j'en aurai bientôt des milliards. Et vous savez pourquoi? Ouais. Parce que j'ai appris ça jeudi. C'est mon équipe qui a fait ça dans mon dos, mais j'ai reçu la réponse de Twitter. Twitter existe, c'est pas virtuel, ça existe vraiment. Il existe! Il existe, Twitter. Il m'a écrit en disant « Félicitations, mon beau Michel, ton compte est désormais authentifié par Twitter. Ah. » Ce qui fait qu'à côté de mon nom, vous avez il y a un petit crochet bleu. Là. Arrêtez, vous avez seulement 4000 personnes. Mais ça change rien. L'authentification, c'est pas une question de popularité. Ah non. Vous, par exemple, vous êtes populaire, mais vous êtes pas vrai du tout. Non, c'est ça. Je suis pas authentifié, il y a pas de doute là. Mais ouais. l'authentification fait que les gens qui lisent, qui viennent sur Twitter, tout ça, ouais. savent que c'est vraiment moi. C'est pas qu'un petit rigolo comme un de vous deux là, qui prend mon nom, mon ouais, identité ouais. pour faire des choses. Donc, alors, j'étais moyennement content. Je dis ben, bravo, c'est formidable. Et en bas, il y avait une note qui disait attention, maintenant que vous avez ça, il y a plusieurs problèmes à l'horizon. Ah oui? Oui, il y a des gens qui vont essayer de pirater votre site. Ah. Qui voudrait pirater Michel Desautels, ben, franchement? Ouais. Ben, pour faire des choses sous le couvert de l'authenticité. Ben, arrêtez, vous avez pas... J'ai une crédibilité. Ben j'ai... non, franchement, exagérez pas non plus. 80 ans à Radio-Canada, c'est pas rien. Et alors, il y a ça, ils peuvent me pirater. Et surtout, vous allez voir plein d'abonnés de partout qui vont s'intéresser à votre cas tout à coup. C'est vrai? Ah. Parce que j'ai un petit crochet bleu, je suis devenu tout à coup quelqu'un d'intéressant. Eh ben. Ah mon Dieu. C'est bizarre. Alors, à preuve... Ça en prenait pas gros. La dernière entrée, cet ouais. après-midi, j'ai trouvé ça, elle s'appelle Kimberly Jackson. Ah. Et c'est écrit, il y a une photo, c'est une jeune femme. Vous avez regardé la photo, hein? Ben, j'ai pas le choix, ça apparaît. C'est écrit « Social Media Manager ah. » based in Cheshire. Je sais pas où c'est, mais ça fait sérieux. Ouais. La ligne d'après, parce que ça, c'est un peu ce qu'elle fait dans la vie ou ses intérêts, « Met Miley Cyrus ah, ben là. Jessie J, Harry Styles et tenu les mains de Katy Perry. Oh. » Est-ce que vous les connaissez, ces gens-là, Michel? Ben, j'ai vu des photos de Katy Perry. Patrick Lagacé doit trouver que cette personne-là a beaucoup d'esprit et de finesse intellectuelle. Jean-Sébastien, ça n'a pas de bon sens ce que vous dites, OK? Ça, c'est mon collègue de travail. Et peut-être n'existe-t-elle pas. Alors, donc, je ne sais pas ce qui va arriver avec mon compte. Il est en train d'exploser avec ses émissions. Visiblement, 4000 abonnés. Donc, j'ai progressé, mais je trouve que je recule. Ah, sur oui? Twitter, là, je pense abandonner. C'est comme le reste. Alors, j'attends là, une livraison. J'ai commandé un bâton de golf fait à ma mesure, un ouais. driver. Alors, la tête est faite en Chine. Le manche, si vous voulez, enfin, le fouet ouais. est fait en Malaisie. Tout ça est assemblé aux États-Unis ouais. par une compagnie qui prétend être américaine. Et je peux suivre sur mon ordinateur, au kilomètre près, où est rendu mon maudit bâton. Ah, ben ouais. oui, ben oui, ben oui. C'est quand même assez formidable, c'est extraordinaire. Pour un bâton. Sauf que une fois qu'il va arriver à Montréal, FedEx va me livrer à la maison. Ouais. Si je suis là entre 9 et 5 du lundi au vendredi, sinon il faut que j'aille le chercher dans un parc industriel à Dorval. Oui, c'est dégueulasse. Ou et Post-Canada n'est même pas capable de m'envoyer une lettre jusqu'à la maison, à moins que j'achète un forfait dans une compagnie privée qui va désormais faire la livraison à domicile. Hein, pour à peu près 7 $ par mois, je pourrais avoir mon compte de téléphone. Mais pourquoi vous ne faites pas comme Jean-Philippe, il fait livrer tous ses effets personnels au bureau. Vous seriez surpris lorsqu'on reçoit des miroirs. Beaucoup de miroirs. On a un gros service de réception, mais on n'a plus de studio de télévision. Non, non, ça, c'est vrai. C'est quand même assez extraordinaire. La géolocalisation des téléphones. Alors, ça, c'est génial. On avance. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. On a des amis en Chine qui manifestent ou à Hong Kong. Et tout ça. Et on essaie de leur parler, les lignes Internet tombent, on tweet des messages et tout. La géolocalisation, c'est formidable. Parce que là, la police attend, il regarde les trucs, il dit « Ah, oh, il est là, il est caché derrière le mur, on s'en va là. » Paf, on tape dessus. Grand progrès pour l'humanité. Hein? C'est assez extraordinaire. On n'est même pas capable de géolocaliser ma sœur avec mon beau-frère. On va se retrouver au golf La Madeleine. Et elle partait de son ouest de l'île de Montréal, en Rhodésie. Ouais. Et elle s'en venait à Sainte-Madeleine avec son petit téléphone posé sur le... Et puis, alors, ils l'ont géolocalisé. Elle s'est retrouvée où? Dans le pit de sable du club de golf, incapable de trouver le terrain de golf, enlisé dedans parce que... Ça prenait un wedge pour la sortir. C'est ma petite sœur. On l'appelait Toutoune quand elle était petite. Mais c'est ça prend deux wedges. Bon. Et puis, je conclurai avec ce qui est peut-être le plus perturbant, parce que moi, je pensais que j'avais progressé. J'étais longtemps réticent à embarquer dans ces histoires de technologie, de trucs. Il est peut-être trop tard. Oui, mais il me reste un petit peu de temps, quelques bonnes années. Mais alors, quand ils ont parlé des nuages, parce que moi, j'ai toujours. Tu sais, à un moment donné, je stockais des disquettes, mais là, les disquettes, après ça, ils ont changé les ordinateurs. Ben, quoi, sur mon Mac carré, là, toaster, ben, ça marchait. Ça. Oui, mais là, il n'y a plus rien qui marche. Ben, non. Même l'ordinateur que Radio-Canada m'a prêté, il y a une petite fente sur le côté pour mettre des disquettes, mais sur mon bureau à Radio-Canada, il n'y a pas de petite fente nulle part. Il faut que j'ai une clé USB. Je perds mes clés tout le temps. Fait que... Vous avez un ordinateur qui a des disquettes? Oui, oui. Puis c'est bien marqué. Ne volez pas ceci, ça appartient à Radio-Canada. Oh yeah! Ne vous inquiétez pas. Ouais. Alors, quand ils ont parlé des nuages, je me suis dit, ben ça, c'est bien, parce que moi, je perds toujours tout. Ben oui. Alors, je vais mettre tous mes trucs sur les nuages. Voilà. Une fois que j'aurai appris, là, je vais m'écrire sur mon bureau. Là, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous ne mettez pas vos photos coquines dans votre nuage. Hein? Ben, vous lisez un peu dans les pensées, parce que j'ai fait des photos, mettons, artistiques de mon épouse. Et je les ai envoyées... artistiques, oui. Faites attention parce qu'on va vous entendre plus bientôt parce que c'est elle qui contrôle le son. Hein. Et j'ai mis ça sur le mètre carré de nuages que j'ai loué à la grosse compagnie que vous savez. Première affaire, et comme je lis encore des journaux de papier, alors j'ouvre le journal et je vois une photo, pas de mon épouse, mais de... Une photo artistique. Une photo artistique. de Kate Upton. Et j'apprends qu'avec Kardashian, avec en tout cas une gang de filles, dont mon épouse, elles sont toutes apparues sur le web quelque part. C'est vrai? Et en bonne compagnie. Enfin, bravo, Martinette. les filles doivent être assez étonnées de voir ça apparaître, mais coudonc, chacun ses goûts. Oui, non, mais c'est... Mais il y en a pour tous les goûts. C'est vrai que c'est ma patronne, alors je trouve ça un petit peu spécial que vous me parliez de ça, chef des hôtels. Non, mais j'avoue que là, où est-ce qu'un homme peut cacher son jardin secret et être heureux? Ah, ça, c'est une bonne question. Nulle part. Pose la question. Avez-vous trouvé une solution, vous? Non, il n'y en a pas, je pense. Fred Savard. Ben oui. Votre jardin secret, il est où, vous? Ah, ben mon jardin secret est dans mon cœur. Alors que c'est niaiseux. Ah, mais bon, non, je me prends pas à la Zouine en photo, mettre ça sur le nuage de la peau. Franchement. Non, mais les filles aiment ça. Quand un gars ose dire mon jardin est dans mon cœur. Ah, ben, oui, tout à fait. Moi, je suis un grand romantique. Les gens l'oublient. Ben, c'est, mon côté acerbe, c'est une façade pour me protéger. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'à l'intérieur, c'est mou, mou, mou. Merci, Fred Savard. Est-ce qu'on finit avec les photos de votre femme, là? Ben, je trouve, je vous laisse une belle pensée. C'est très gentil. Et ça va me permettre d'introduire de belles façons notre prochain invité, Michel. Merci. Député néo-démocrate de la circonscription de Rosemont, il est sur un pied de guerre avec un gouvernement conservateur qui vote en guerre. Accueillons monsieur Alexandre Boulris. Monsieur le député. Oui, monsieur. Avez-vous un nuage, vous? C'est intéressant parce qu'avant, on pouvait seulement avoir la tête dans les nuages, là, semble-t-il, d'autres parties de notre anatomie. Est-ce que vous avez fait des photos artistiques de votre épouse? Je ne pensais pas un jour demander ça à un député fédéral. Hein. Non! Mais est-ce que ça vous est arrivé? Non, je me garde une petite jungle. Ah, OK, ben vous êtes très, très généreux. Je me concentre sur John Baird. Chacun ses goûts. Ah oui. Ben, c'est un spécial. J'aimerais tout de suite, Alexandre Boulris, en vous recevant, évidemment, être député du NPD, un des députés qui, on l'imagine, sera réélu lors des prochaines élections en 2015. Pas le premier. Thomas Mulcair nous a annoncé que c'était la petite... comment elle s'appelle, là? Ruth-Hélène Brosseau. Ruth-Hélène Brosseau qui sera réélue en premier. Après ça, ça dépend de Fred. Vous avez déjà les résultats, oui? Oui. On sait qu'elle va être réélue déjà. Mais c'est tout arrangé, ça. La démocratie, c'est trop sérieux pour qu'on laisse ça au hasard. C'est vrai. C'est pas Coluche qui disait ça? Qui disait ça? Je pense que c'est Coluche. Ah oui, regardons. J'ai de la culture avec un gros cas. Ben oui, on se pète les bretelles de Coluche, justement. J'ai une question pour vous. Il y a Jean-Sébastien qui est allé fouiller dans votre compte Facebook là, en début d'émission. Ben oui. Et qui a ressorti un statut qui disait quoi, Jean-Sébastien, exactement? Que vous étiez en beau ciboire. On est un soir de novembre 2007. Qu'est-ce qui se passait? C'était encore l'époque du « is ». C'est « is » en beau ciboire. Ah ouais. OK. Ben, ça l'a changé. On était en 2014, puis là, j'étais en crise de tabac. de Beaujolais le vert, si vous voulez. Non, non, mais finissez ça sur une belle note. Est-ce que, mais c'est une bonne question, ça. On peut aller fouiller dans les vieux statuts Facebook. Est-ce que votre parti, le NPD, par exemple, quand on veut attaquer le Parti libéral, le Parti conservateur, est-ce que vous êtes du genre à aller fouiller dans, vos, dans les vieux statuts Facebook et les vieux tweets des, de vos adversaires politiques? Soyez honnête. Oui, ça se fait. Il y a des gens de la recherche qui font ça, mais je vous dirais qu'on le fait d'abord et avant tout pour nos propres candidats, pour savoir qu'est-ce que les autres pourraient sortir contre nous. Ah, fait qu'ils n'ont pas vérifié ce que vous aviez fait, vous. Hein? Ah non, ils ont regardé, ils ont dit, oh, ben, on va survivre. C'est suffisant quand même. Non, mais je me pose la question parce que, évidemment, c'est un outil qui vous permet de vérifier si vos candidats sont corrects, mais avec ce qui se passe, par exemple, sur la guerre, toutes les déclarations qui ont été faites par les gens du Parti libéral, il y en a qui ont viré leur veste de bord, évidemment, quand on recule avec la première invasion de l'Irak en 2003 et tout. Et je me demande, est-ce que c'est une utilisation que vous faites régulièrement? Est-ce que vous l'avez utilisé pour ce cas-là? Non, on ne l'a pas utilisé pour ce cas-là. Là, on a simplement constaté que le chef du Parti libéral avait probablement utilisé un jeu de serpent et échelle pour exprimer sa position sur d'éventuelles frappes des militaires en Irak, parce que, franchement, ça changeait pas mal à toutes les 24 heures. Oui, c'est sûr que ça n'a pas été... Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur Justin Trudeau dans ce dossier-là, dont Chantal Hébert, qui a dit que ça allait être la première victime collatérale de la guerre en Irak, Justin Trudeau. Et c'est peut-être pas faux. Cela dit, la position du NPD était la position de la paix. On peut la décrire ainsi. Vous vouliez pas envahir l'Irak, peu importe la façon, que ce soit par les airs ou par le sol. Non. Vous vouliez pas vous impliquer là-dedans. On voulait s'impliquer, mais d'une autre manière. Mais on pense que le rôle du Canada devrait d'abord et avant tout amener de l'aide humanitaire à ces dizaines de milliers de personnes-là qui sont déplacées. Et quand on regarde un petit peu l'histoire récente de cette région-là, on n'est pas convaincu que des attaques occidentales, des bombardements et des invasions dans un pays musulman sont la meilleure façon de régler le problème. Nous, on met l'accent sur l'aide humanitaire. On peut aider d'une manière logistique les troupes qui se battent contre l'État islamique là-bas. Il faut renforcer l'État irakien, l'armée irakienne et appuyer les Kurdes. Ça ne veut pas dire que nous, on doit décider avec un plan qui n'existe pas, des objectifs complètement flous et aucun plan de sortie de crise, de sauter à pieds joints dans un bourbier où on risque l'enlisement dans les prochaines années. L'enlisement, l'ONU dit que la moyenne de durée des camps de réfugiés sur la planète en ce moment, c'est 15 ans. Ah, c'est pas si pire. Et, non, surtout quand c'est beau comme ça, endroits. Vous ne pensez pas que c'est un peu long et que si on laisse faire, on fait des camps et il y en a d'autres qui disent qu'on sera sorti de là en criant victoire, on ne sait pas laquelle, avant 30 ans. Donc, on accepterait au NPD d'aller amener de l'aide humanitaire des gens qui vont être parqués pendant 30 ans à la frontière sans pouvoir retourner chez eux. Exactement, Michel. Bon. Alors, Alexandre, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est la première bonne question d'émission. Hein? Oui, quand même. Je pense que si on n'aide pas ces milliers de personnes-là dans les camps de réfugiés, on risque de créer des gens qui vont être révoltés puis qui, demain, vont prendre des armes puis risquent de renforcer les djihadistes et les terroristes. Mais il faut compter sur les forces locales pour se libérer elles-mêmes. Les invasions étrangères, ça n'a jamais donné de très, très bons résultats pour l'implantation de la démocratie. Alors, on a des grosses préoccupations là-dessus. Mais en même temps, le plan que a déposé Stephen Harper, c'est pas un plan d'invasion extrêmement... lourd, en fait. On parle de bombardement, mais je veux dire, est-ce que le plan, par exemple, celui que vous proposez, est-ce que vraiment le Canada serait capable de soutenir ça à lui seul? Non, mais il y a déjà beaucoup d'autres pays, puis je pense que chacun doit avoir son rôle là-dedans. Nous, on met l'accent vraiment sur aider le monde concrètement sur le terrain, amener de la bouffe, amener des médicaments, amener des tentes. Pas pour qu'ils restent là éternellement, évidemment, mais on pense pas que c'est à l'armée canadienne ou à l'armée américaine de faire le travail sur le terrain qui doit être fait par l'armée irakienne. Sinon, ça va créer des résultats qui vont être inverses, complètement inefficaces à ce qu'on cherche à faire. Ben, attendez un peu, là, l'armée irakienne. J'attends. Je disais, l'armée irakienne. Mm-hmm. Quelle armée irakienne? Ben, l'armée irakienne qu'on a déconstruit après que les Américains aient envahi le pays, supposément parce qu'il y avait des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Il faut savoir que le bourbier dans lequel on est, puis le gâchis qui est là, ça vient d'une invasion occidentale précédente. Si les mêmes causes ont à peu près les mêmes effets, moi, je ne suis pas convaincu qu'on est sorti de là. Même Hillary Clinton parle que ça va prendre 30 ans. Monsieur Harper nous a dit récemment que les frappes aériennes seules ne permettraient pas de se débarrasser de l'État islamique. Est-ce que c'est parce qu'il prépare le terrain pour le fait qu'on aille sur le terrain? Nous, on pense que c'est vrai, un enlisement. Mais non, on va avoir plein de surplus, là. Moi, je pense que cet argent-là, ça pourrait peut-être servir à ça. Il faut que ça roule l'économie. Ça, on va acheter des armes, on va acheter des guns, puis on va aller casser la gueule aux Irakiens. Moi, je pas convaincu que c'est une solution d'avenir. Alors, il y a évidemment des gens qui sortent parce que c'est un petit peu ennuyant. Alors, je vais immédiatement passer à un sujet qui est franchement plus excitant, celui des élections qui s'en viennent en 2015. Oui. On le sait, on a vu les sondages, et je peux même sortir les chiffres parce que je trouve ça toujours intéressant de lire des chiffres devant quelqu'un qui est en troisième position. Non, mais c'est ça. Alors, les chiffres qui ont été compilés par le site 308, qui est le compilateur des sondages, en fait, vous donnent en troisième position. Donc, on a le Parti libéral de Justin Trudeau à 38%, le Parti conservateur à 29,9% et le NPD à 22,2%. Ça fait longtemps qu'on en parle. Vous avez été nommé président co-président donc, de la campagne électorale qui s'en vient d'ici un an. Je me demande, puis je vous ai posé la question la dernière fois, puis en même temps, on ressort tout le temps un peu la cassette. Oh non, ça va bien aller, Thomas Mulcair est le bon chef. Ça va pas bien pour vrai. Est-ce que vous avez un plan pour vrai? On a un plan, et d'ailleurs, vous allez voir que c'est pas pour rien qu'on a mis de l'avant des idées progressistes puis de justice sociale, un salaire minimum de juridiction fédérale, un réseau de garderies publiques qui va aider concrètement les familles un peu partout, qui va donner une compensation financière au Québec sans condition. Alors, on a un plan pour mettre de l'avant nos idées puis nos projets, mais je veux quand même rappeler là, que on n'a jamais été en meilleure position la veille d'une élection que maintenant. 22. Soyons francs. Non, c'est quand même la réalité, c'est vrai. Mais on dit souvent que le NPD, c'est comme le meilleur choix d'opposition au Canada. Et les gens ne vous voient pas au pouvoir, mais ils vous voient comme une espèce de chien de garde du parti au pouvoir. Est-ce que vous voyez vraiment Justin Trudeau premier ministre? Moi, je ne peux pas me prononcer, malheureusement. Okay. Parce non. Non, mais à un moment donné, la question se pose. Puis le débat qu'on a eu sur l'Irak a montré à quel point il y avait une faiblesse de la leadership du Parti libéral pour être capable de s'engager dans des débats qui sont extrêmement complexes. Il a tellement été bon quand son père était mort. Là. Oui, c'est vrai. Bon. Mais... On s'en souvient. Ah, ben franchement, tu ne sais pas ces causes-là. Franchement, les morts. Non, mais je sais bien. Mais il était bon. Oui. Non, mais je comprends là, que vous n'avez jamais été en aussi bonne position, 22 %. Oui. C'est beaucoup pour le NPD à un an des élections, mais 22 %, ce n'est pas suffisant. Puis, à un moment donné, ces idées-là, ça va faire 4 ans que Thomas Mulcair les vend au Parlement. Et il les vend très bien. Hein? Tout le monde est d'accord. Tous les analystes sont d'accord celui pour qui fait dire la meilleure job. Effectivement. Mais sa meilleure job-là n'est pas suffisante pour lever les intentions de vote, au moins à égalité avec le Parti conservateur, pour vous donner bon deuxième au pays. Le dernier Écosse nous donnait à égalité avec le Parti conservateur en deuxième place. Et il faut regarder la tendance aussi. Puis au Québec, on est soit premier ou deuxième de très proche avec les libéraux, toujours premier chez les francophones. On est en progression en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Alors oui, la bataille, ça va être plus difficile parfois en Ontario, mais ce sont toujours des luttes comté par comté. Il y a 338 comtés. Il faut voir dans chaque comté c'est quoi, quelles sont les forces en présence. Et on n'a jamais été aussi bien placés. On a pratiquement une centaine de députés, des dizaines de milliers de bénévoles puis de gens qui sont membres du NPD. Alors nous, on est très optimiste. Est-ce que ça va être facile? Non. Mais est-ce que les gens portaient beaucoup attention à la politique fédérale 2 ans avant des élections ou 1 an et demi? Non. Mais là, la game sérieuse s'en vient. On est à l'élection moins 327 dodo. Ah, et puis d'ailleurs, on en parle. Là. Les élections moins 327 dodo. Oui. Mais ça, c'est officiellement. Parce que la loi électorale veut qu'il y ait des élections l'année prochaine au mois de... C'est le, octobre, quoi, le 19 octobre. 19 octobre. Alors, mais ça, le premier ministre a le droit de déclencher les élections quand il veut. Oui, Pauline Marois l'a fait récemment à Québec. Puis il y avait aussi une loi qui prévoyait des élections à date fixe. Est-ce que vous avez des discussions là-dessus au NPD? Bien sûr, on prévoit tous les scénarios. Et si c'est au printemps, on va être également prêt. Est-ce que ça se pourrait que ça soit au printemps? Ça se pourrait. Vous savez, Ottawa est une ville de rumeurs et de vent. Et puis là, c'est sûr que s'ils présentent un budget avec des promesses de baisse d'impôts puis qu'ils disent « si vous voulez plus d'argent dans vos poches, il faut régler les conservateurs », ils peuvent partir en campagne là-dessus. Puis ça va faire scandale pendant 24 heures qu'on n'a pas respecté la loi. Puis après ça, la campagne va passer à d'autres choses. Ça va être bien correct de même. Mais quand même, si vous êtes prêt, c'est une chose. Puis pendant cette campagne-là, quand vous allez la faire, j'imagine qu'avec la nouvelle modification à la loi sur les droits d'auteur, vous allez pouvoir utiliser les textes de Fred Savard pour promouvoir le NPD. Oui, bien sûr. Une nouvelle loi qui n'est pas encore adoptée. Mais ça va être dans le projet de loi Omnibus, j'imagine. Probablement le projet de loi Omnibus au printemps. C'est assez hallucinant. C'est-à-dire que là, les conservateurs veulent se donner le droit et à tous les partis politiques d'utiliser n'importe quel extrait de n'importe quel reportage radio-télé, de foutre ça dans une publicité. De trafiquer, en fait. Et mettre ça hors contexte complètement. Un peu comme les attaques. Un peu comme les films font, là, quand on voit sur une affiche « c'est extraordinaire, c'est fabuleux », mais ils mettent pas le reste de la phrase en disant « c'est fabuleux, mais c'est de la merde ». Et en plus, les télédiffuseurs vont être obligés de les diffuser parce qu'il va avoir, en tout cas moi, de ce que j'ai lu, il va avoir une obligation. C'est ça. Fait qu'un diffuseur ne va pas dire « non, je refuse de diffuser le matériel mon matériel que vous avez trafiqué, ils vont être obligés. » C'est une attaque contre la propriété intellectuelle et les droits d'auteur. Totalement. C'était illégal, mais là, ils rendent ça légal pour être capable de faire des attaques contre tout le monde. Aux États, la loi est en vigueur. On l'a fait. On peut utiliser, par exemple, des extraits des nouvelles, des bulletins de nouvelles pour pouvoir illustrer ce qu'on... Mais est-ce que c'est si mal que ça? Je pose la question à vous, le co-président de la campagne électorale. M. Boulris, est-ce que c'est si mal que ça? Je pose la question. Si c'est fait de manière respectueuse et intelligente, non, mais on va très bien qu'ils se donnent tous les droits tout de suite pour faire n'importe quoi. Puis on voit aussi les attaques qu'ils sont capables de faire le Parti conservateur depuis de nombreuses années, depuis en fait que c'est le Reform Party qui est au pouvoir. Puis ils se basent sur ce que font les républicains aux États-Unis, puis le Tea Party. On risque d'avoir effectivement une américanisation de notre système politique. Mais mieux, on dit que c'est plus drôle, cette émission. Non, mais c'est intéressant quand même, parce que j'aimerais ça voir un jour une campagne électorale avec une citation de Fred Savard. Moi, j'aimerais ça, franchement. Moi, je suis pas sûr. Mais faites-nous en une rapidement. Non, je m'abaisse pas à ça, je suis désolé. Ah oui? Non, moi, je vous l'ai dit, je suis de moins en moins à l'aise dans cette émission-là. Ça va être bon. Oui, c'est parfait, ça. Ça va être sur le poster de l'émission. Monsieur le député, vous restez avec nous pour la fin de l'heure, quand même. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est très gentil. Est-ce que, je me pose la question, est-ce que vous avez déjà investi dans des fonds de la FTQ, vous, Alexandre Boulris? Oui, un petit peu. C'est vrai? Oui, oui. Ah, ben, après avoir écouté cette publicité-là, peut-être que vous allez changer. C'est une parodie, il faut le dire, c'est une parodie. C'est une pub ouais, ben, oui. qui circule de Daniel Boucher ces temps-ci. Ça ne respecte pas les droits d'auteur, ça? On s'en fout. Ça a pris beaucoup d'audace en 83. Il a fallu 4 personnes pour y croire assez fort. Des idéalistes, des rêveurs, des déciseux, des semeux, des gros laboureux, des visionnaires. Malgré une inflation dans le plafond, des taux d'intérêt impensables et des chômeurs à appel, on a menacé les gouvernements d'embarquer avec nous. Mais à coup de 100, de 1000, de millions de dollars, puis tape ça à gueule, on a transformé des perspectives sombres en chantiers lucratifs avec du placement syndical. On a donné à des milliers de gens des ristournes pour qu'ils se la ferment. On a forgé des régions, juste avec nos membres, pis pas les chiens sales de la CSN. On a créé un fond, pis un trou dans le fond du fond. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre bilan, on n'a pas à être gêné de ce qu'on a accompli. C'est qui ça, on? Du monde comme vous et moi, qui s'investissent à fabriquer le Québec d'hier avec les cotisations d'aujourd'hui. Des gens qui seront jamais remboursés pour les crosses d'un ancien président qui est maintenant en prison. Parce qu'on croit dur comme fer, qu'on a tout à gagner à faire tourner l'économie d'ici. Puis quand on dit tout à gagner, c'est pas une expression inventée, comme dans mes chansons, là. Ah, je vais me mettre en bédaine, moi, là. On vient de recevoir un tweet de Jean et Marc qui nous dit « Quelle bizarre démission où les animateurs rient plus fort que le public. » Ah. Et je pense que c'est dirigé vers vous, Jean, le public. Hein? C'est juste à rire plus fort, franchement. Oui. On est là pour on est supposé soutenir tout le drôle de cette émission-là. Oui. Ça, c'est la musique, évidemment, des spectacles au Canada. Et je me demandais, Fred, qu'est-ce qu'on fait à Mississauga ce soir? Non, mais c'est une blague, vous n'êtes pas obligé de le dire. Non, mais je pense que j'ai quelque chose à Mississauga. Mais ce soir, à Toronto, il y a le groupe Vixen. Vous rappelez-vous du groupe Vixen? Rarement. C'était un groupe de glam rock dans les années 80, constitué juste de filles. Ah. Et vous vous rappelez de la belle époque du glam rock? Je sais pas, c'est quoi une fille déjà? Parce qu'à cette émission-ci, on en a très peu. Hein. Non, je sais, mais en tout cas, c'était le seul groupe de glam rock avec juste des filles. Et il faut dire qu'on les regarde aujourd'hui et ils ont quand même l'air plus masculines que Poison et Motley Crue qui mettaient du maquillage et du spray net. Il y a également le Cool and the Gang qui seront au Haviland Ballroom Theater à Niagara Falls Cool Casino and the Resort. Gang. Oui, on se rappellera de Cool et sa bande pour des succès comme Cherish, Celebration, Ladies Night et Fresh. Une chanson que vous appréciez particulièrement, Jean-Philippe. Il y a également les Gypsy Kings qui seront également dans cette salle que je ne répéterai pas parce qu'elle est très longue. Alors, on se rappellera de Volare, Bamboléo et surtout Joby Joba. Le 17 octobre, Engelbert Humperdinck sera au Living Arts Center de Mississauga. On se rappelle de lui pour les succès Please Release Me et The Last Vault. Mais on se rappelle, et ça, on ne sait pas, ben, Engelbert Humperdinck, c'est son nom de scène, hein, vous savez. Ouais. C'est un bon gag de Pérus. Mais c'est lui qui a dit à Elvis, vous devriez porter des roues-flaquettes. Parce que vous savez ce qu'est les roues-flaquettes? Qu'est-ce qu'une roue-flaquette? C'est les favoris. Une et c'est Engelbert qui a dit à Elvis, je pense que les favoris, ça marcherait. Et Elvis en a porté. Et ça a été bon pour lui. Mais il est mort aussi. Oui, il est mort, mais c'est pas à cause de ça. Et en terminant ce jeudi soir à Québec, à l'amphithéâtre Vidéotron, en formule intime, c'est le groupe Maudite Machine. Groupe hommage au groupe prog québécois Octobre. Et fait étonnant, les membres du groupe sont natifs du Manitoba, de la ville de Flin Flon. Alors, Pierre Flynn sera très honoré. Oui, C'est niaiseux. Et on rappelle, parce que c'est drôle, je fais ça, moi, les faux hommages de spectacles à Québec. Ouais. Il y a Dominique Morin cette semaine qui, sur Twitter, n'était pas content. L'animateur de Radio X. Parce que le Australian Pink Floyd, qui était programmé au Colisée, au réel Colisée Pepsi, eh bien, a dû déménager dans une plus petite salle parce qu'il n'y avait pas assez de billets vendus. Et il n'était pas content parce qu'il trouvait qu'à Québec, on n'était plus capable de supporter des groupes hommages de Prague. Et c'est le Pink Floyd. Pink Floyd australien en plus. Oui, oui, ben, allez-y. Alors, non, mais justement, là, je là, j'ai une chanson à présenter. Je sais. Je me disais, je voyais votre chanson. Oui. Vous proposez une chanson pour le public. Je me disais, bon, je vais expliquer un peu c'est quoi. Mais je dois avouer, je ne comprends rien de cette chanson, Fred Savard. En fait, c'est que là, vous savez que le groupe armé État islamique gagne du terrain. Je me disais, ce serait peut-être le fun de replonger dans nos racines chrétiennes, de chansons chrétiennes. Et il y a une compilation qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ça fait quelques mois, en fait. C'est la compilation Résurrection, rock chrétien et messe rythmée au Québec, 1964-1978. Pas de blague. Et c'est 25 titres de vraies chansons chrétiennes. Il y a même du Les Baronnets là-dedans. Ah, c'est vrai? Oui, il y a du François Dompierre. Et il y a surtout le groupe Les Messagères de joie, qui nous a offert sur cette compilation une petite chanson qui s'appelle Ma petite espérance. Et je trouve que c'est une chanson qui a beaucoup de swing et qui vient spirituellement nous faire bouger le popotin. Alors on écoute Ma petite espérance sur Ici FM. Whoopé. Pourquoi? Wow. Non, mais avouez! On se laisse prendre! Oui. Vraiment? Oui! On va peut-être. Moi, j'ai le petit Jésus qui se faisait aller pas mal. Ben, c'est très généreux de votre part, Fred, de partager votre christianisme comme ça. Ben oui, c'est extraordinaire. Hey, on s'en va au sport avec Olivier Niquette. Olivier, qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde des sports? Ben écoutez, l'Impact jouait cet après-midi match nul contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, 2-2, et les deux buts ont été marqués par Marco Di Vaio. Le compte Twitter de l'Impact a tweeté en majuscule « Quel joueur, quel homme, quel but? » Mais il s'en va, là. Ben oui, c'est ça, il prend sa retraite. Je pense qu'ils sont déçus un petit peu. Est-ce qu'on en a encore pour longtemps de l'Impact? Parce que je trouve ça long. Non, en fait, parce que je m'inquiète justement pour eux, parce que le Journal de Montréal nous apprenait ce matin que le gazon artificiel pourrait être à l'origine de cancer chez les jeunes joueurs de soccer, particulièrement les gardiens de but. Il n'y a pas d'étude, en fait, scientifique qui le prouve, mais c'est pas grave. Il y a un nombre inquiétant de gardiens malades aux États-Unis. Le gazon en cause serait celui qui est rempli de granules de caoutchouc qui se ramassent partout dans les vêtements des joueurs. Je sais, moi, mes enfants jouent au soccer, je me ramasse toujours avec des granules d'un gougoun pendant l'été. La seule chose positive, d'ailleurs, là-dedans, que je vois là-dedans, c'est que ça va me donner une bonne excuse pour pas que mes gars deviennent goalers. Et d'ailleurs, ils sont ici dans la salle en ce moment. Oui. Non, vous ne serez pas gardien de but parce que ça finit toujours par être la faute du gardien quand l'équipe perd. Puis en plus, ça donne le cancer. Ah, le beau petit Clovis puis le beau petit Victor. Sont-tu gentils, hein? Jean-Sébastien, vous les trouvez beaux, j'imagine? Les enfants, ça n'a pas rapport sur le milieu du travail. J'ai toujours dit. On travaille, là, sérieux. Là. À cet âge-là, je t'ai couché puis je dormais, moi. OK. Continue. Sinon, c'était le retour du hockey cette semaine, mais surtout le début du hockey à TVA Sports mercredi dans le cadre de la super soirée LNH. Un titre très original qu'ils ont dit à peu près 28 000 fois. C'est pas à la super soirée T'es encore jeune qu'on ferait ça. Et là, le Pierre-Aud de TVA, c'est Félix Séguin. Il avait annoncé avant le début de la saison qu'il prévoyait pas révolutionner la description du hockey. C'est exactement ce qu'il n'a pas fait. TVA Sports a tendance à se tromper sur le gars qui a scoré un but puis à s'en rendre compte deux minutes après, à nous faire manquer le début de la troisième période à cause d'une pub de Bro et Martineau, puis à avoir des caméras dans le filet où on voit rien, commandité par l'ASIC MD, exactement comme à RDS, donc on n'est pas du tout dépaysé. Une différence, par contre, on a eu droit au plan de match de Patrice Brisebois. Vraiment toute une période. Je pense que les gars ont patiné, on continue de patiner, on patine. Et tu joues en dépit d'une blessure. Bah c'est sûr, c'est plutôt patiner, on continue de patiner, on patine. C'est pas demain la veille que tu prendras ta retraite. On patine, puis peut-être partir une shot de patin. Eh bien merci Raymond. Ah non, ça c'est pas du tout Patrice Brisebois, c'est François Pérusse, pas pantoute la même affaire. On va écouter Patrice Brisebois. Le Canadien doit utiliser sa vitesse. Le Canadien est une équipe qui patine, surtout en zone centrale. Il faut vraiment patiner, rentrer avec la vitesse en zone adverse, créer des chances de marquer, aller au filet. Alors, Canadien, ça doit patiner. Bon. Un plan que le Canadien a suivi à la lettre pour l'emporter 4-3. Et qu'est-ce qu'il y avait entre les deux périodes? Il y avait deux wannabes, Ron McLean et Don Cherry, en Louis-Jean et Michel Bergeron. La seule affaire, c'est que Bergie est un petit peu moins à mode que Don Cherry, mais bon. On lève quand même notre chapeau à Michel qui n'a pas mentionné une seule fois Dale Hunter. Mais pour vrai, c'est quand même bien correct le hockey à TVA Sports. Et le Journal de Montréal a adoré ça. Il parle même de la naissance d'un géant. Donc, objectivement, c'est très bon. Et d'ailleurs, ce soir, ce sera la première fois que les Canadiens affrontent les Flyers à Philadelphie à TVA Sports sans les services d'Emeline. Je prédis une victoire de 8-5. Sinon, on va parler un peu des Jeux olympiques. Parce que la Ville de Québec n'a pas déposé sa candidature pour les Jeux d'hiver en 2022. Non. Et comme dirait Régis Labeaume, pourquoi aller aux Olympiques quand les Olympiques peuvent venir à nous? Ça va mal, les Olympiques d'hiver. Ils peuvent venir, ils vont nous faire signe. Ça va arriver. Ils vont nous appeler un jour, vous allez voir, parce que je sais pas, c'est Pékin encore, les Olympiques d'hiver à Pékin. Y a-t-il de la neige à Pékin? Ah oui, des fois, il neige à Pékin, mais c'est pas un facteur. De toute façon, les derniers Jeux d'hiver étaient dans un tout inclus en Russie. D'après moi, la bombe devrait faire comme avec les Nordiques, construire un stade olympique puis espérer que les Jeux olympiques arrivent. on va finir avec la pensée de Michel Baudry. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est toujours le bon moment de la semaine. Ben non. Je vous envoie des fleurs, Olivier. Arrêtez de... Piqué Souben a été invité au banquier, à Tout le monde en parle et à l'émission de Salvaille. Marc Bergevin, lui, à la facture. Oh! Ben. Excellent! Ah ben, c'était pas le bon moment, finalement, de la semaine. Je suis désolé de m'être trompé. Merci beaucoup quand même, Olivier. Ça fait plaisir. C'est moi qui l'ai vu. Je pensais pas que c'était moi qui l'ai vu. Je pense que c'est... Ah, c'est le moment de notre segment légendaire, le préféré de semaine en semaine à l'émission, tout juste devant la chronique de Fred Savard. J'en reviens pas de cette idée-là que j'ai eue cet été. Vraiment, là, j'aurais dû charger plus cher. Le vu, pas vu. C'est votre idée, ça, vu, pas vu. Vous n'étiez pas là, d'ailleurs. Ben non, je sais. C'est ce moment de l'émission où deux personnes débattent d'un truc qu'ils ont vu ou pas, hein, et tout le reste du plateau et des auditeurs doivent déterminer qui a décidé, encore une fois, de nous bullshiter en pleine face. Et cette semaine, mesdames et messieurs, j'ai besoin de toute votre attention parce que cette semaine, c'est un des films les plus attendus de l'année, le film d'horreur Annabelle. Ah. Et cette semaine... Un film que j'ai beaucoup aimé. Jean-Sébastien, arrêtez, c'est pas une vous. Une musique qui appuyait beaucoup le propos inutilement. C'est vraiment lourd. Cette semaine, c'est Olivier Niquette et Michel Desautels qui l'ont vu ou pas. Un combat de titans. Ouais. Il y a un des deux belligérants qui part avec une avance. Je ne vous dis pas qui. Alors. C'est fin. Pour nous. Ben, je parlais. Merci. Je parlais peut-être de vous, Olivier. C'est ça. Alors, je donne la parole à Olivier. Vous débattez donc sur le film d'horreur Annabelle. J'ai eu la chance de regarder le teaser, le preview. La bande-annonce. Je ne sais même pas comment on appelle ça en français. Non. Et c'est franchement très épeurant. Allez-y, Olivier. Oui, quand même. En gros, c'est l'histoire d'une poupée qui est possédée par le démon qui hante une famille pour voler l'âme d'un bébé. Hein, aussi simple que ça. Ouais. Une poupée possédée, là, évidemment, vous allez dire, ça fait penser à Chucky ou à Bibi et Geneviève. Et d'ailleurs, le réalisateur John R. Leonetti, c'est lui qui a réalisé Chucky 3 dans les années 90. Ça se passe en 1970, l'histoire d'un couple dont les voisins sont assassinés par une secte satanique. On voit ça souvent. Ben, un peu comme Charles Manson, là, c'était à cette époque-là. Okay. Et les membres de la secte débarquent après chez le petit couple en question, mais ils sont sauvés par la police, donc tout est bien, qui finit bien. Sauf que devant... C'est un court-métrage. Non, mais je parle pour cette scène, tout est bien, qui finit bien dans cette scène. Sauf, évidemment, pour la poupée qui est bien gros traumatisée puis devient possédée par le démon. Ben, on comprend ça. C'est à peu près la seule scène sanglante du film. C'est pas un film vraiment sanglant, là. Mais il n'y a pas beaucoup de sang, vous voulez dire, hein? Il n'y a pas beaucoup de sang. C'est pas très sanglant. mais c'est une scène, c'est une longue scène, un long plan séquence qui est quand même assez stressant. Puis ensuite, on tombe dans les classiques des films d'horreur, là, des portes qui claquent, la machine à coudre qui part tout seul, des lumières qui clignotent, du popcorn qui pop tout seul. C'est pas très original, mais c'est quand même assez efficace. Ben oui. Mais non, mais vous me dites ça, j'ai peur. Moi, j'ai assez ça, un film d'horreur. J'ai ça. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment la poupée qui fait tout ça, parce que la poupée, elle bouge pas. Elle est comme juste un peu le pantin du démon. Ah. Pas si vous comprenez? Oui. Non. Non? C'est vraiment n'importe quoi. Laissez-le, Michel. Laissez-le terminer ou vous prendrez la parole. C'est quand même vraiment un peu rare. J'ai regardé souvent à terre, j'avoue. Moi. Vous faites ça beaucoup en réunion aussi. Oui, aussi. Non, mais j'ai vraiment ça, les films d'horreur. On dirait que je me sens comme vulnérable. Je vis des émotions, je suis pas habitué à ça. Je suis comme si je perdais le contrôle. Puis, non, vraiment, je vois aucun intérêt dans les films d'horreur. Puis, j'ai pas beaucoup eu de plaisir à regarder ce film-là. Puis, en plus, les acteurs sont pas vraiment très bons. J'ai même lu une critique qui dit. Ben, j'ai lu une critique qui disait que le bébé de 6 mois était meilleur acteur que l'actrice principale. C'est quand même chiant, mais c'est un peu vrai. Et les effets spéciaux non plus sont pas vraiment extraordinaires. L'histoire est un peu poche, mais on a peur pareil, puis je pense que c'est juste ça le but. Donc, moi, je connais rien en film d'horreur, mais je dirais que c'est quand même un film d'horreur qui est pas très bon. Mais peur. Et mon Dieu, que ça part mal c'est encore. Vrai, ça part mal, franchement, Michel, allez-y voir. C'est un peu navrant ce qu'on vient d'entendre là. Je vais essayer de mettre un petit peu de contenu là-dedans quand même. Si possible. Parce que c'est vrai que au panthéon des films d'horreur, ça ne va pas se retrouver en haut. Ça va être vraiment très en bas. Et c'est un peu dommage parce que le Leonetti, moi, je ne regarde pas les... je ne suis pas fan de films d'horreur. Moi non plus. J'en ai vu quelques-uns dans ma vie. Je repense à L'Exorciste de Friedkin et je tremble. Là, je regarde en dessous de mon lit. Encore maintenant, après avoir vu le film trois fois, lu le livre. Ah oui, en deux photos artistiques de votre femme, là. Oui. C'est au Panthéon dans ma chambre, ça aussi. Est-ce qu'elle se tourne le cou aussi, 360? En même temps, ça nous regarde pas, excusez-moi. On fait ça au bureau, des fois. Mais... ce réalisateur-là qui a fait effectivement beaucoup de choses. Là, on parle de Chucky. Chucky, c'est pas un chef-d'œuvre, on s'entend. Non, le premier était bon. Oui, bien, ça faisait peur. Vous aviez 3 ans, c'est normal. Mais ce gars-là, il a été directeur photo pour Spielberg, pour Coppola. Ah oui? Il a réalisé la plupart des épisodes de la série télévisée qu'on voit en ce moment, Sleepy Hollow, Cavalier pas de tête, Ouais. Donc, c'est un gars qui sait manier la caméra, on s'entend. Sauf qu'il aurait dû rester caméraman, pas réalisateur. Ou au moins s'il avait été monteur. Parce qu'on sait que dans les films d'horreur, le truc le plus important, c'est quand on passe à l'image suivante, quand on arrive au point où ça marche. Vous parliez de la machine à coude qui part et tout ça. Mais le plus important, c'est les 3 secondes de silence qui précèdent le moment où elle va se rentrer l'aiguille dans le doigt. Ouais. Il y a un moment de 3 secondes de silence, c'est un des moments forts du film, c'est pour vous dire. Et là, puis là, on dit ça va arriver, mais il fait une demi-seconde de plus. Et là, c'est un vrai monteur sonore qui a fait la job. Là, on a peur. Mais pour le reste, ça marche pas parce que, il n'y a pas d'histoire dans ce film-là. Vraiment, la petite famille. Moi, j'avais vu le prédécesseur. C'est bizarre. On a fait un sequel an après. Le Conjuring. The Warren Files. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose parce que le couple Warren a existé vraiment dans les années 70. C'était des spécialistes du paranormal aux États-Unis sur la côte Est. Et ils étaient allés dans Rhode Island quelque part. Et une famille, les Perrons, mère, 5 enfants, 5 filles, toutes des filles. Et il y avait des affaires bizarres dans cette maison. Donc, j'avais vu ce film l'année dernière qui racontait cette histoire vraie. Vous l'avez vu? Ben, je l'ai loué. Ben, les Warren Files, moi, ça me rappelait quelque chose. C'est un gros phénomène à l'époque. Et le film l'année passée, même si je ne suis pas amateur du genre, était bon. Mais j'ai compris pourquoi. Parce qu'il était réalisé pas par le même gars, c'est par un gars qui s'appelle Juan, je pense. Et Juan. C'est pas de ses flous, ça. Juan. One of a kind. OK, d'accord. Non, il s'appelle Juan. Je vais le trouver. James Juan. James Juan. Et alors, Juan est le producteur, a créé sa propre maison de production après le succès des Warren Files l'année dernière. Mais je comprends. Et il a engagé un pauvre tata, M. Leonetti, pour faire un sequel qui ne marche pas. Mais donc, est-ce qu'il y a la poupée aussi dans le Conjuring? Oui, absolument, oui, bien sûr. Oui, puis c'est ça. Alors, vous n'avez pas dit... c'est pas une affaire que la poupée est traumatisée à cause des voisins, là. On offre... Le gars, le pauvre bozo de la famille, le monsieur, il offre en cadeau à son épouse pour sa collection de poupées, une grande poupée, les poupées anciennes, là, avec les gros... Très laide. Oui, très laide. Déjà, ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans le film. Pourquoi elle trouve cette poupée-là belle? Non, mais ça, les collectionneurs trouvent toutes sortes de choses bizarres dans la vie. Mais en tout cas, donc il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Et la poupée, contrairement à ce qu'a dit Niquette, parce que là, franchement, il est déculotté, elle a sa propre vie, elle se déplace, elle se berce et tout. C'est pas une affaire qu'elle est là puis que tout le monde pense qu'elle bouge. Bouge. On dirait que vous l'avez vu 2 fois, même. En même temps, vous animez juste 2 heures par semaine, vous avez le temps de voir des films en masse. C'est cheap, hein? Non, mais attends. Non, Michel, je sais qu'avec votre carte de l'âge d'or, vous avez accès à des films beaucoup moins chers que la moyenne des gens. Ça, c'est vrai. Première chose. Non, mais moi, j'y suis allé honnêtement, parce que ma recherche, j'ai l'air savant, mais j'ai fait ça après pour faire le lien. Parce que je me disais, pourquoi ce film-là? Mais moi, c'est parce que je pensais que j'allais voir un film comme Emmanuel. J'étais content, je me disais. Ben oui, c'est ça le problème. Mais vous n'avez pas eu peur du tout, vous? Oh non, pas une seconde. Les ados attardés et moi qui étaient dans le cinéma, on a eu très peur. Ben moi, les ados attardés étaient tous dans l'autre salle à côté. J'ai vu ça au Faubourg, au quartier latin. Là. Ouais. Et il y avait une salle. Vous l'avez vu en français? Non, eux sont tous allés voir en français. Gang de tatars. Moi, j'étais presque tout seul dans mon groupe. En anglais. J'ai pas eu peur. Mais j'aimerais dire quand même, Michel, peu importe que vous l'ayez vu ou non, franchement, c'est un très bon moment de ma radio. Hein. Oui, vous méritez tout notre amour. C'est n'importe quoi. Alors, je fais quand même un rapide tour de table et j'aimerais savoir qui, selon vous, qui a vu le film. Et avant de commencer par vous, Jean-Sébastien, vous avez un petit ami à votre droite qui n'a pas parlé pendant toute la deuxième heure. Ben c'est Alain Votebon-Cœur. Monsieur Votebon-Cœur. Ben, en fait, Olivier dit avoir eu peur, mais on ne sent pas du tout la peur chez lui. Ah, mais non, mais il ne faut pas se tromper. Olivier n'a pas d'émotion. Ah bon? Non, il est fait comme ça. Oui, ah, oui. C'est une maladie. Mais j'opterais pour Michel. Donc Michel, parce qu'il a pas parlé du tout du film. Michel a parlé de plein de choses autour, alors que Olivier a parlé beaucoup du film, mais avec très très peu de ressenti. Ah, et vous savez quoi? Cet homme-là est extrêmement intelligent. Je parle de M. Vadeboncœur. Ouais, merci. Moi, j'irai vraiment avec les idées de M. Vadeboncœur. Jean-Sébastien, vous? C'est difficile parce que Olivier, qu'il ait vu ou non l'objet artistique, qui est pas bon quand il fait la critique culturelle. Donc c'est là que ça devient. C'est ça qui est un peu difficile. Et en fait, la seule chose qui me laisse penser, ouais, évidemment, Michel, c'est bon, un des plus grands communicateurs du monde, donc il peut bluffer facilement. La seule chose qui m'a posé problème, c'est qu'Olivier a quand même relancé à 2-3 reprises Monsieur des Hôtels. Il lui a posé des questions, ce qu'il fait pas généralement quand il a pas vu un objet dans vue pas vue. Donc je pense. Non, mais il pose plus de questions en général dans la vie. Ouais. Alors je pense c'est que pas ça, Olivier. La question, est-ce que j'avais des réponses? Oh oui, mais ça, tout le monde a des réponses à n'importe quoi. Regardez M. Boulris à côté de vous, tu sais. Mais ça à longueur de journée. Je pense qu'Olivier a vu le film d'épouvante. Oh mon Dieu, vous pensez que c'est Olivier? Ouais. OK, d'accord. Fred, ça va? Ben, moi, au début, Olivier, c'est un peu flou. Ben, c'est comme Jean-Sébastien, c'est qu'on ne sait jamais avec Olivier. Il est tellement endormant. Stratégique. Michel. Stratégique. Michel, je trouve que, effectivement, le talent de communication prend beaucoup de place et il nous a plus parlé du film précédent. Qui était bien meilleur. Ouais. Il y avait beaucoup de mots, d'ailleurs. J'en ai manqué. Je pense que c'est Olivier qui a vu le film. Vous pensez que c'est Olivier aussi? Je pense qu'il fait semblant. Alexandre, rapidement, vous pensez que c'est qui a vu le film? Il fait son épée. Ben, moi, premièrement, je suis très habitué aux films d'horreur parce que je passe mon temps à la Chambre des communes. Alors, déjà, là, je suis assez imperméable. Mais effectivement, j'ai l'impression que Michel nous a fait l'étalage de sa culture cinématographique. Ouais. Mais je ne suis pas certain qu'il a vu le film. Je vote Olivier. OK. Alors, moi, je mets évidemment Olivier également parce que je pense pas qu'avec le salaire qu'on paie, Michel, il s'est donné la peine d'aller voir un film au cinéma cette semaine. Alors, je demande à la foule, évidemment. Qui croit que c'est Olivier Niquette qui a vu le film d'horreur, Annabelle? OK, OK. Et qui croit que c'est Michel Desautels qui a vu le film d'horreur, Annabelle? Oh, oh mon Dieu! Notre réalisatrice applaudit aussi. Ah ouais, alors, vraiment, qui a vu le film d'horreur, Annabelle? C'est moi. Ah! Je l'ai enfin trouvé! Je me disais bien qu'il n'avait pas le courage, Michel Desautels, d'aller voir le film Annabelle. Vous êtes un peu heureux, hein? Un petit peu. Oh, merci de vous être prêté au jeu, franchement. Merci beaucoup. Vous savez que c'est déjà la fin de l'heure, mais j'ai envie de vous demander quelque chose. Est-ce que vous avez des questions pour... Oh! J'avais plein de belles questions. Ah, mais vous avez... Mais c'est la blague du jour. C'est la blague du jour. C'est le signal de la blague du jour. Alors, est-ce que vous savez, Jean-Philippe, pourquoi les coccinelles vont souvent chez l'esthéticienne? Pour faire retirer leurs points noirs. Ça aurait été mieux, les questions. J'avais plein de belles questions pour M. Boulris. Ben oui, mais au moins, on finit avec une bonne blague de Michel Desautels. Merci, Michel, d'être venu nous voir. Merci à vous. Vous allez revenir nous voir, hein? Peut-être. Ah, oh, s'il vous plaît. Alexandre Boulris, merci énormément d'être passé venu nous voir. On va se revoir pendant les élections, j'imagine, hein? Oui, j'espère. Ah, ben on espère aussi. Allez, va de bon cœur, on achète votre livre, on le dit, on va vous voir à l'Institut cardiologie de Montréal. Ça va pas bien. Je vous remercie énormément. Merci à toute l'équipe et nous, on se voit demain à 17h pour une autre soirée qui va être encore jeune. Merci tout le monde.